Bonsoir à tous et à toutes, et bienvenue pour le 36e épisode du podcast du collectionneur. Alors j'avais oublié de changer de chaîne, mais c'est pas grave, ce qui compte c'est que vous m'ayez entendu. Changer de Ouais. chaîne, de scène. De scène, la La scène, scène. la scène. Et donc bonsoir, 36e podcast du collectionneur, ce qui va vouloir dire une chose, c'est que dans un podcast, j'aurai le podcast sera le même âge que moi, c'est quand même merveilleux. Oh Et ce podcast sera la moitié de l'âge de la petite pelle. La moitié, vous êtes gentil, vous. Hein. Le tien. Oui, mais il ne faut pas non plus qu'on le dise trop. Attends. Il n'est Et pas fort en grammaire. ce soir, on va parler en sujet principal de la stéréoscopie, du principe qui consiste à vouloir nous faire voir en relief dans un jeu vidéo une image. Bon. Nous immerger dedans, je sais pas. Ouais, Est-ce plonger que ça dedans apporte du ou mieux? s'en prendre plein la tronche au choix. Ouais. Ou vomir. Souvent, Ah souvent. ouais. Voilà. Bah, C'est vrai sensation que forte. la motion sickness, ouais. C'est une légende urbaine, le motion sickness. Non. Bah dis ça à ceux qui ont vomi dans leur casque et qui en sont morts. Non, ce qui se passe. Oh là, moi je dis aujourd'hui, c'est pas ce qui t'arrive. Bon. Mais avant ça, on a sans doute quelques petites news à traiter. Et peut-être on peut commencer par souhaiter un happy birthday à la Switch. Ah Et bah oui, oui. c'est vrai, ça fait un an, oui. Elle a 1 an, elle est toute petite. Voilà, elle vient d'avoir 1 an le 3 mars. Et quoi de mieux pour fêter une superbe année de départ comme elle vient de nous faire avec des jeux merveilleux et plein plein plein de ventes que un bon gros bug de merde. Ouais. Hein? Puisque La base. donc si jamais vous vous rendez compte que au lieu de 457 heures sur Breath of the Wild, vous n'avez plus joué que un jour, bah c'est normal. C'est parce que passé un an, la console ne compte plus correctement, enfin, n'affiche plus correctement les heures de jeu cumulées. Nintendo nous assure qu'elles sont toujours comptées correctement et que un patch viendra rectifier la chose. Ouais, donc vous inquiétez pas, tout va bien, Vous vous ne... pourrez Voilà. encore faire jouer du Kiki Meter, mais vous inquiétez pas. Alors, ça a été découvert principalement avec Breath of the Wild, tout simplement parce que Oui. c'est les gens qui, enfin, quand ils ont lancé leur Switch, ils ont lancé Breath of the Wild il y a un an, mais ça le fait avec tous les jeux dont vous avez un an de jeu. Donc, et ça le fait pour tout le monde. C'est pas certaines personnes qui l'ont ou pas, c'est un bug absolument généralisé. Ah ouais, bah y en a, ils se vantaient justement de ne rien avoir, mais Ben, c'est pas ça veut surtout dire qu'ils n'ont pas un an de jeu, enfin voilà. qu'ils n'ont pas commencé il y a un an. D'accord. Apparemment, d'après ce que j'avais lu, je sais pas si c'est vrai, ce serait apparemment que les possesseurs des Switch Day One, Non. du moins celles qui sont proches du lancement, c'est pas ça du Du tout? tout. Non, non, mais non, forcément. Mais forcément, celles qui ont été achetées le jour de la sortie, et dont les gens l'ont allumé le jour de la sortie, ont buggé pile un an après. Mais celles qui l'ont acheté 2 semaines après, elles ne buggeront que dans 2 semaines. D'accord. Forcément, vu que c'est la question, c'est depuis combien de temps on a commencé à jouer au premier jeu qu'on a mis dedans? Et s'il faut qu'il y ait un an. Voilà. Pour le coup, c'est le bug de l'an 2000. Ouais, un Et peu, encore, on n'était pas sur une année bissextile, parce que alors là, je crois que ça mettait le feu à la console. ouais. Petite combustion Bah. spontanée de Switch. Ou alors la Je console, elle met un écran bleu, elle te dit achète une PS Vita. rappelle quand même que la Switch est la première console Nintendo qui se met à l'heure avec l'heure d'été et l'heure d'hiver. Ne leur en demandons pas trop d'un coup. Wow. Bah, elle J'ai se vu met aussi même à cette l'heure semaine. toute seule. Ou pas? Ah, elle vient synchroniser avec un serveur web ou pas? C'est une bonne question. Parce Je que... sais pas si elle se... Il Voilà. n'y a pas de raison que ce synchronise pas avec les internets. Bah, la 3DS le fait pas, la Wii U le fait pas... Oui, c'est vrai que la 3DS et la Wii U ne le faisaient pas. C'est Nintendo, j'ai envie de dire, en même Bah, voilà. temps. Ils viennent de découvrir qu'on pouvait faire payer le online aux gens. C'est bon, c'est bon. C'était pas gentil. Et d'ailleurs, en parlant donc de Nintendo et de sa Switch, nous vous encourageons à rester jusqu'au bout de la nuit avec nous, puisqu'à 23h, nous avons un nouveau Nintendo Directly to You, et qu'on va se faire le plaisir de le commenter et de réagir en direct. Le podcast du connexionneur Reacts to a Nintendo Direct à 23h. la suite va vous étonner. Oui. Parce que c'est ce qu'il faut faire en ce moment sur YouTube, des vidéos de réaction. Vous allez avoir une vidéo de réaction. Non, moi je veux Est-ce pas. Que ronfler est une réaction? Alors après, une vidéo de réaction en podcast. Peu importe, c'est ce qu'il faut faire. C'est très... On va essayer. Ce qu'on va faire, c'est on va décrire la personne qui bouge à l'écran. Ah ouais, la Fury qui se plaint. Il dit que ça parle encore que de Nintendo. Ouais, allez hop, une oui, plus là. Alors, ok, alors, bah, voilà, sur le coup, bah, revenons à nos vieux jeux. Donc, avec ce Kickstarter qui vient d'être bouclé, bon, avec succès, c'est peu de le dire, pour un jeu Nintendo 64 qui n'est jamais sorti. Oui. Le fameux 40 Wings, hein, ou plutôt 40 Wings, ou plutôt 40 clignements de l'œil. C'est ça. 40 clins d'œil, bon, bref. 40 nuances de gris. Non, attends. Donc, pour la petite histoire, ce jeu était finalisé, mais n'est jamais sorti. Voilà. Ouais. Il devait sortir sous le nom de Rough and Tumble en Europe. D'accord, très bien, par GT Interactive. Et donc, vu que le jeu était prêt, il y a un Kickstarter qui a été lancé pour demander aux gens s'ils avaient envie de voir le jeu sortir sur Nintendo 64 officiellement. Et également, il y a une version PC qui est prévue. Ouais. Pour être disponible sur Steam. Ah, mais je ne savais pas ça, par contre. Donc, alors, de toute façon, le Kickstarter n'est pas encore terminé. Il reste 5 jours. Mais ils ont atteint le but, quand même de... Alors, largement, ils réclamaient 16 000, je crois. 16, hein. Ils réclamaient 16 000, ils en sont à 96 000. Oh là là. Donc ça va, j'ai mis le lien donc, dans le chat pour le Kickstarter. Ah, merci. Alors, c'est rigolo parce que on voit quand même, c'est un nouveau jeu Nintendo 64 qui aurait dû sortir à l'époque, qui est complet. Bon, alors, attention, c'est Pico Interactive qui est à l'origine du truc. Mmh. Des gens plus ou moins fiables. Hein. C'était quand même les développeurs qui annonçaient être l'un des développeurs phares de la rétro caméléon. J'ai pas oublié. Ouais. Voilà. Ah bah oui. Donc bon. Après, est-ce qu'ils font du mauvais travail? J'en sais rien, mais ils ont quand même édité un sacré paquet de nanars sur des consoles rétro. Enfin. Avec un peu de chance, il sortira sur Switch. Hein. Ah ouais, ouais. Et je crois que c'est eux hein, qui rééditent les jeux Wisdom Tree sur NES, les jeux à connotation, c'est les jeux catholiques comme on appelle ça. D'ailleurs, en parlant de ça, d'ici une semaine, 15 jours, The Mike a préparé un article sur le sujet sur le site Le Guide du Collectionneur. Ouais. Il y a des jeux gratinés hein, dans cette catégorie. Hein. Et ouais. C'est marrant parce que il me semble que ce sont des jeux qui peuvent être souvent speedrunner en plus hein, parce qu'ils sont bizarres. Bah c'est des jeux ils sont de base pas longs vu le oui. Enfin voilà oui. Et c'est rigolo enfin tu sais. Ouais oui. Passer oui, l'énervement ouais. Parce que souvent le gameplay t'as envie de t'arracher les mains. Ouais, mais une fois ouais. Que t'as compris ça devient rigolo pour les gens qui regardent quoi. Ouais c'est ça. Ils ont fait Super 3D Noah's Ark hein, ouais. Qui est par contre un jeu exceptionnel. C'est oui. Un rip-off oui. De Wolfenstein quand même. Les mecs, ils ont pris Wolfenstein, ils l'ont biblifié, et du coup, tu tires les ennemis avec ta fronde, et à la fin, t'as un upgrade, c'est une multifronde avec 7 têtes, enfin, et tu peux tirer. Ça, c'est n'importe quoi. Non, mais c'est magnifique. Que tu peux sortir ça à des gens qui sont soit disant des gros fans de la série Wolfenstein, tu leur montres ça, ils disent c'est quoi ton jeu? C'est un hack? Non, c'est fait avec le vrai code du jeu. C'est un vrai jeu. Bah, c'est presque un ROM hack, moi j'ai envie de dire. C'est quelque part un ROM hack avec l'accord des développeurs, en fait. C'est... Oui, ouais. Mais je pense pour le coup, on essaiera d'en reparler à l'occasion parce qu'il y a beaucoup à dire sur ce jeu. Oui, oui. Bon, il y a déjà beaucoup à dire sur Pico en lui. Oui. Pico. Donc, est-ce qu'il y a une autre news, monsieur? Oui, enfin, l'autre news dont on avait envie de parler, c'est que ça y est, nous avions parlé il y a plusieurs semaines, mois, oui, ça se compte en mois, ouais. De ce projet donc de refaire une manette Nintendo 64 plus moderne, entre guillemets, le Rumble 64, ça s'appelle, c'est ça? Non, c'est le Brawler. Brawler. Brawler 64. Brawler 64. Voilà. Et donc, ça y est, les premiers bakers ont reçu leur exemplaire. Il se trouve que les premiers backers, apparemment, c'est également les youtubeurs un petit peu influents, donc ce qui fait qu'on a vu fleurir cette semaine pas mal de vidéos des gros streamers américains comme Metal Jesus Rock ou notre ami l'immortel John Hancock. Hancock. Enfin, sa vidéo, elle est pas ouf à lui, hein. Voilà. Mais non, je autant le dire, celle de Metal Jesus Rock est plutôt, j'ai trouvé instructive. Celle d'Hancock, je sais pas. C'est pour un test, je parle. C'est la première fois que je vois quelqu'un qui est passionné de jeux vidéo jouer à Mario Kart sans faire ni un dérapage et déraper sur une banane sans appuyer sur un petit coup de frein pour passer. Je parle pas de ça. Moi, je parle pas du niveau de jeu que ça. C'est juste que sur la manette, on n'apprend pas grand chose. Alors que Metal Jesus Rock, bah, tu peux peut-être en parler, mais... Donc voilà, oui, les deux choses qu'on apprend pour l'instant, la manette est relativement bien finie apparemment, il n'y a pas trop de gros soucis, les quatre boutons C sont un peu plus gros que sur la manette d'origine, ce qui fait que c'est un peu plus agréable apparemment à prendre en main. Il y a une gâchette Z à gauche et à droite. Mais par contre, il y a pas mal de gens qui se sont plaints que les gâchettes avaient un feeling très analogique. Ouais, d'accord. Qu'ils auraient préféré que ce soit vraiment des clics comme sur une manette. Voilà. Et après, donc, la manette souffre de deux problèmes majeurs pour l'instant. Le premier est un problème de conception, où en gros, lorsque vous avez le bouton L qui est maintenu appuyé et lorsque vous tournez le stick, la pièce du stick à l'intérieur touche le bouton qui est appuyé. Voilà. Ça fait que ça fait bouger légèrement le bouton. Metal Jesus Rock a fait un test et ça fait bouger le plastique, mais ça n'enlève pas l'appui du bouton. On n'a pas de coupure sur l'appui du bouton, c'est juste que c'est pas fantastique. Après, il y a très peu de jeux forcément qui vont vous demander d'utiliser à la fois l'analogique et le bouton L, parce que sur la manette, ouais. C'était déjà pas franchement très possible. C'était juste impossible même. Voilà. Mais bon, ça, c'est des petites choses qui auraient peut-être pu être vues avant. Mais je me dis, si ça se trouve, c'est vraiment tout con. Ils ont créé leur protocole de test. Vu qu'il était de toute façon de base impossible sur la manette de 64 d'appuyer sur L et le stick en même temps, ça se trouve, c'est même pas entré dans leur batterie de test et ils l'ont jamais testé, tout simplement. Ouais, d'accord. Parce que c'est gros, hein. Enfin, je veux dire, c'est pas possible qu'il ait testé, c'est tellement énorme. Et Metal Jesus Rock n'est pas le seul à avoir le problème, donc c'est vraiment. Elles ont toutes le problème. C'est vraiment un problème de conception. Tout le monde apparemment a dit, enfin oui, c'est toutes les manettes qui sont envoyées, qui ont été fabriquées là pour le premier batch, en tout cas, il y aura peut-être des corrections dans le futur, mais elles sont toutes victimes du problème. Et l'autre souci, enfin souci entre guillemets, donc c'est le joystick. Ce en gros qui était attendu le plus au tournant, c'est-à-dire est-ce que le joystick allait être utilisable et correctement. Il se trouve qu'on a des logiciels donc, pour pouvoir tester à la fois les dead zones et à la fois les amplitudes du stick et tout ce genre de choses. Le stick a un peu plus d'amplitude apparemment qu'une manette de base. Il y a aussi une dead zone de sorte qui fait qu'apparemment le stick serait un peu moins sensible lorsqu'on appuie dessus très légèrement. Enfin voilà, d'après les tests qui ont été faits comme Metal Jesus Rock, ça a l'air assez infime. Le seul vrai problème avec le stick pour l'instant qui a été trouvé, c'est que pour les FPS, la sensibilité est très importante. C'est-à-dire qu'apparemment les FPS qui n'ont pas de possibilité de baisser la sensibilité du stick analogique se retrouvent parfois presque injouables. Et ce qui est problématique. Ce qui est un peu problématique parce que voilà, il n'y a pas beaucoup de jeux à l'époque qui avaient quand même des paramètres de sensibilité aussi. J'en connais qu'un. C'est Quake. Les autres, je sais pas. Parce que oui, sur GoldenEye ou Turok, I am Turok, je pense pas que... Et Quake, c'est parce que bah, ça vient du PC et les gars sont des maniaques de ce genre de trucs, mais honnêtement, j'en connais pas beaucoup. Hein, ouais. Après, ce qui me dérange, après, ça a l'air bien, la manette a l'air correcte, mais j'ai pas, toujours pas l'impression d'avoir vu des vrais tests. J'ai pas vu des gens qui savent vraiment jouer au jeu, qui connaissent les jeux vraiment très bien. Faudrait choper des vidéos de speedrunner, par exemple. Qui... Voilà, prendre la manette et dire, voilà, est-ce que c'est vraiment pareil dans les doigts ou pas? Et c'est voilà ça pour l'instant je trouve qu'on a pas j'ai pas encore vu après ça va venir hein, ça reste c'est tout chaud au bouillant mais alors sachez que moi j'ai voulu en prendre une pour proposer un test justement mais il se trouve que elle est pas livrable en dehors des États-Unis pour l'instant ah ça c'est pas cool au moment où j'ai regardé en tout cas le projet de Kickstarter était livrable partout ouais mais si on veut en commander une il faut une adresse aux États-Unis ouais alors faudra regarder sur eBay et tout après mais donc voilà, du coup je pourrais pas tester et puis bah si ça se passe par eBay, on sait tous comment ça va finir. Ouais. Mmh. Donc là, elle était à 30 balles frais de port compris, ce qui pour tester une nouvelle manette et tout, pourquoi pas, c'est pris une manette, pourquoi pas à 30 balles. Si ça devient plus cher, bon. Bon, après je pense que le joystick qu'ils ont dû mettre dedans, je pense pas qu'ils auraient dû ils ont dû réinventer la roue. Je pense qu'ils ont dû prendre tout simplement le joystick type GameCube qui est en vente sur eBay depuis quelques années. Je suis pas sûr de ça. Ah, pour moi, c'est un... il m'a semblé que c'était le cas. D'accord, peut-être. D'un aspect visuel, ça me semble être la même chose. C'est juste que bah, pour éviter que les gens aient à modder, du coup, voilà, ils ont. Non, par contre, c'est possible. Je suis pas sûr que ce soit le même parce que le stick lui-même, la partie plastique du stick est différente. C'est pas le grip de la GameCube, hein. C'est un déjà, grip. Un grip style PS1 ou PS2. GameCube. Champion, un champignon là, un espèce de champignon. Contrairement à la GameCube ou la 64 qui était un truc, c'était plein de petits cercles concentriques là. Bah, bon, voilà, de manière générale, si quelqu'un qui écoute le podcast en a reçu une et l'avait béqué, si quelqu'un veut nous faire des retours dessus, moi je suis preneur de retour. Ouais, moi aussi. Dessus, je veux bien, voilà. Totalement. Savoir si on continue à dépenser notre PEL dans des Manettori qui ne sont sortis qu'au Japon ou. Bah, par contre, Manettori, j'en aurai bientôt une en test, normalement. D'ici à un mois, peut-être. Je ne sais pas, on verra. Une bleue ou pas? Non, une transparente. Enfin, elle est blanc, transparent, mais pas trop. Dommage, donc on pourra pas dire qu'elle est horrible. Voilà. C'était ta seule blague, par contre. Hein. Tu recommences pas ça ce soir. J'ai regardé les photos côte à côte. Effectivement, t'as raison. Ça a l'air d'être plus un stick type, Xbox 360, en fait. Ouais, on dirait juste à voir. Ouais. Parce que ce serait un peu stupide de réutiliser la même technologie de la 64 alors qu'on sait tous que c'est pas time-proof. Quoi. Il me semble que l'encodeur pour le stick analogique fonctionne pas de la même façon pour le coup que les encodeurs de des autres manettes de l'époque ou même ce qui a été fait après. Pour le coup, c'est surtout pour ça qu'il y a des soucis de zone morte et tout machin, forcément. Ouais. Je pense que c'est plus truc de ce style-là, moi. Mais voilà. Et on en parlait l'autre fois avec Beyond, et Beyond il disait, mais si tu essaies de raccourcir en fait la tige du joystick sur la manette normale de 64, j'ai déjà essayé, collé à la colle époxy pour faire quelque chose d'assez propre. En fait, l'encadrement du plastique il vient très rapidement toucher en fait le contour du joystick, ce qui fait qu'il y a des zones qui sont totalement inutilisables. Après, il y a aussi un truc, on essaiera peut-être d'en reparler et éventuellement de demander à Mamie Colette. Parce qu'apparemment, il y a des fichiers à l'imprimante 3D qui permettent en fait de reconstituer les deux zones en plastique. Voilà. Lorsque ce sont les deux petites zones noires plastiques qui posent problème, il y a des logiciels qui permettent de faire donc à l'imprimante 3D ces pièces aujourd'hui qui seraient plus solides que les pièces originales. Et pour le coup, ça, on va essayer de demander si... Okay. Pourrait nous sortir ça parce que j'ai bien envie d'essayer. Ouais. Donc on est toujours dans l'expectative pour pérenniser ces manettes Nintendo 64. Voilà, déjà qu'elles sont pas aimées apparemment. Ouais, alors après, parler du. Moi je les aime. Hein. J'ai appris à les aimer, on va dire ça comme ça. Ouais. On parlait du joystick type GameCube, dont j'en ai modé un dans une manette il y a quelques années. Sans aller jusqu'à dire qu'il est indestructible, pour la manette, elle a été maltraitée pendant des périodes très longues, et pas, généralement par des enfants, et je peux dire que pour l'instant, le truc fonctionne nickel. Il y a juste des très gros problèmes avec les FPS, voilà. Et voire même aussi avec Mario 64, pour le peu que, genre 5 minutes avant, on ait testé avec une manette originale qui fonctionne encore bien. D'accord. Voilà. Mais sinon, bah, pour le coup, je crois qu'il y en a pour 15 euros, un truc comme ça, pour ce fameux joystick. C'est vraiment pas mal. Mmh. Ok. Bon. Donc, quelle autre news ? Le petit calendrier habituel de « on a compris que le rétro, c'était en vogue, on veut votre pognon, mais on fait de la merde », donc coucou à Square Enix, comme d'habitude, qui nous ressort Chrono Trigger sur PC. Attends, je pensais que tu allais faire un coucou à Konami pour les 10 balles de la sauvegarde de Metal Gear Visual. Mais alors attention, c'est 10 balles pour une sauvegarde supplémentaire. C'est supplémentaire, c'est un slot supplémentaire. Alors que dans ce genre de jeu, si tu veux une sauvegarde supplémentaire, il faut racheter le jeu normalement. Donc les gens ont gueulé, mais je trouve pas. Au final, ils s'en sortent bien. Ouais, voilà. C'est... Non, voilà, c'est Chrono Trigger le problème. Voilà le problème de Chrono Trigger. Donc Chrono Trigger, c'est pas compliqué. Portage à la sauvage de la version mobile avec un filtre graphique qui ne rend absolument pas hommage au jeu original. Une interface à dégueulasse. Des vidéos issues directement de la version PS1 en 480p. Alors, tellement à l'arrache qu'ils ne devaient même pas être au courant eux-mêmes, hein, vu comment ils l'ont lâché sans dire quoi que ce soit. Hein. Voilà. Ah, tenez, on a un jeu à vous vendre. Et ils l'ont lâché comme ça. Ah non, c'est ce que j'expliquais. Leur stratégie, c'est vraiment, on a fait de la merde. Enfin, on a fait de la merde. On l'a fait vraiment à la va-vite, le strict minimum. On va le balancer en mode surprise. Comme ça, les gens, ils n'auront pas le temps de réfléchir deux secondes. Ils vont l'acheter parce que c'est Chrono Trigger. Et après, ils vont se rendre compte que, merde. Ouais, mais ils ont oublié que sur Steam, on pouvait se faire rembourser dans les deux heures. Ouais, mais c'est pas, la plupart des gens vont quand même céder à la nostalgie. Chrono Trigger reste Chrono Trigger, hein. On va pas descendre le jeu non plus. Mais c'est dommage d'avoir proposé une interface mobile sur PC, ce qui rend le jeu pas très jouable, pas très ergonomique, d'avoir mis des assets. On voit les tiles à l'œil nu, on voit la séparation des différentes tiles du jeu à l'œil nu. Enfin. C'est un désastre. Bah ouais, mais c'est Square Enix. Ouais, mais c'est vraiment dommage. On sait qu'ils n'en ont plus rien à faire. Que depuis quelques temps, déjà, ils n'en ont plus rien à faire. Par contre, voilà, on a la traduction française, si on l'achète en français et tout, ça, c'est bien. Mais c'est pas bien, surtout au prix où ils le vendent, quoi. Combien, 15, 20 euros 15 balles, non 15, je crois qu'il est à 15 euros. 15 balles. Je vais revérifier pendant qu'on continue la suite, parce que je n'ai pas envie de dire de conneries non plus. Mais bon, après, si vous pensez que les seuls à qui on peut jeter la pierre, c'est Square Enix, eh bien non. On a aussi un nouveau truc qui est sorti, là, dont le test est paru d'ailleurs sur JVC aujourd'hui. 15 balles, hein, Chrono Trigger. On nous ressort Turok en version Master. Bon. Et c'est cool. Alors, Turok Remaster, rêvez pas, c'est la version PC de l'époque. Non, mais c'est un jeu qui était jouable à l'époque, mais qui maintenant, ne l'est plus. Prenez le jeu comme ça, tel quel, avec les graphismes d'époque, mais en 4K, parce que voilà, ils ont gardé le brouillard ? Ben non, c'est la version PC. C'est la version PC, là, ouais. Sur 64, c'est du brouillard, mais pas sur PC. Non, ouais, mais le brouillard, c'était bien, justement. Ça rajoutait de l'ambiance, non, comme Silent Hill. Je sais que c'est con dit comme ça, mais le brouillard, il participait à l'ambiance anxiogène du jeu. Bon, après, il y avait beaucoup de brouillard, effectivement. Voilà, donc c'est sur le coup. On continue donc à aller chercher le rétro gamer en lui disant « Tu as aimé ce jeu à l'époque, rachète-le. » Ouais, en même temps, pour être honnête, Turok à l'époque, pas sûr qu'il y ait beaucoup de gens aussi qui l'aient acheté. Hein. En Europe, déjà. En Europe, oui, peut-être. Mais... En Europe, je suis pas sûr. Aux États-Unis, oui. Ah bah oui, c'est certain, aux États-Unis. Non, si Turok 1 et 2 ont bien marché. Turok 3 et Rage Wars, et Turok Wars, plutôt, c'était plus difficile. Mais le 1 et le 2 ont bien marché à l'époque. Mais oui, oui, moi, Turok, je me souviens que ça marchait. Bah, ça restait un jeu sur 64 de shoot en 3D où tu déglinguais des dinos et tout, quoi. Enfin, je veux dire. Avec une bonne animation. T'avais techniquement le jeu, c'était une grosse start. Enfin, voilà, c'est. En plus de ça, étant donné que tu n'avais pas, comment dire, il y avait quelques FPS sur 64, mais du coup, pour le coup, c'était voilà, un petit jeu en plus qui était, ouais, qui était vraiment pas dégueu. Turok était agréable. Pour l'époque, à l'époque, Turok était agréable à jouer. Moi, je me suis bien amusé avec. Et c'est vrai que tu veux le ressortir maintenant. Et n'oublions pas ces grands moments où on prenait le lance-grenade, où on tuait plusieurs fois les humains d'affilée. Après, j'ai jamais fait Turok, moi. Il tombait par terre et remettait une autre fois. C'est nul. J'ai jamais fait Turok, moi. C'est pas aussi marrant que le volleyball avec les humains dans Primal Rage. Et là, je m'aperçois que j'ai sorti un truc dont personne ne connaît. Ah, si, si. Si, si, mais Primal Rage. Bah oui, le jeu de on préfère l'oublier. Non, mais le volleyball avec les dinosaures, tu connais? En fait, je sais plus quel personnage il faut prendre. T'as un niveau où t'as des humains qui se baladent derrière. Et tu peux en fait prendre un humain et te le balancer en fait, balancer à la face de ton adversaire. Et avec un pote, on faisait du volet en fait. Voilà. Le premier qui faisait tomber l'humain, en fait, il perdait un point. Ouais. C'était tellement con, mais comme le jeu, on voulait pas. Ou bah voilà, ça s'est passé le temps. C'est un jeu dans le jeu. Ouais. Et enfin, pour si vous êtes un peu nostalgique d'une époque un petit peu moins lointaine, mais quand même un peu évolue, Locoroco 2 est en promotion sur le PSN en ce moment. Ah voilà. Pour 6€. Vous avez droit aux cinématiques PSP dégueulasses, mais à un jeu avec des assets entièrement refaits, d'ailleurs qui pèse presque 4 gigas. Et oui, 4 gigas. Voilà. Et. Bah c'est si vous aimez le Coroco 2, à 15 balles je trouvais ça un peu cher, à 6€, bon ça va. Je sais pas ce que vous en pensez. D'ailleurs, pour ceux qui nous écouteront dans un avenir assez immédiat, de très grosses soldes sur le PSN ce mois de mars, faute de sortie de jeux très intéressantes avant la fin du mois. La petite pelle est censée dire Nino Kuni. Oui. Alors là, voilà, sorti Nino Kuni à la fin du mois, mais c'est vrai que sinon, c'est un petit peu ce mois-ci. Bon, voilà. Calme. Pour une fois, c'est bien. Oui, c'est le mois prochain, il y a God of War. Les jeux, Ah oui, c'est vrai, il y a Nul Con qui sort. God of War. Non, moi j'ai. C'est vrai que le mois de mars, contrairement à l'année dernière, où le mois de mars, là, t'étais là. Qu'est-ce qui se passe? Horizon, Zelda, la Switch, Nier Automata, machin. Là, t'es. Pas grand-chose. Far Cry, peut-être. En grosse sortie. Oui, Far Cry 5, c'est une grosse sortie. Bon, la trilogie Devil May Cry, mais ça, c'était Remaster HD, encore machin. Mais oui, bon, voilà, c'est pas, et Burnout sortie, Paradise aussi. Hein, oui, oui, voilà, mais ça, c'est pas des. On peut pas vraiment dire que c'est des grosses sorties, ça. Et. Bon, juste savoir si quelqu'un avait vu une autre news à ajouter, tout ça, ou s'il voulait parler de quelque chose. Bon, tout va bien. Non, pour moi, c'est tout bon. Pas que je sache. Qu'est-ce que je peux Ah, moi j'ai dit j'ai pas de news. Ok. Et donc, sur le coup, bah, juste un dernier petit mot, quand même, Juste un dernier petit mot pour féliciter quand même Capcom, parce que... Megaman Legend 2 c'est pas du tout ironique. Monster Hunter World devient le jeu le plus vendu de l'histoire de Capcom. Il tout dépasse simplement. Resident Evil 6. Oui, voilà. Et voilà, c'est tout. C'est comme quoi, ben, quand on fait des jeux qui sont bien... on en vend et ça marche et c'est. Bah, quand on prend le temps de quand on fait une bonne promo quand, aussi. Quand on prend le temps de faire la promotion, parce que par exemple, c'est la première fois qu'ils le sortent vraiment à un Monster Hunter en Europe en disant allez-y les gars, achetez-le quoi, parce que les autres, c'est sorti un peu plus confidentiel. Après, il y a eu aussi une énorme couverture sur Twitch. Ah oui, Twitch a beaucoup balancé. Ouais, c'est vrai que ça a dû aider. Hein. Ouais. Et donc ça fait que bah ouais, pouf. C'est vrai que Twitch c'est un peu le Twitch c'est un peu le site qui peut transformer un jeu de niche en jeu mainstream sans qu'on comprenne comment ça s'est passé, mais ah mais c'est devenu le meilleur outil de promotion pour un jeu actuellement. Ils le savent, ce sont les éditeurs. Il y a que Atulus qui a toujours pas compris comment ça marche. Oui, oui, eux c'est ah non, vous streamez pas notre jeu. Ouais, c'est vrai. Ouais, mais ça leur a pas porté préjudice pour Persona 5 quoi. Ouais. Paradoxalement, ils ont interdit le stream et le jeu c'est. Le jeu c'est très bien vendu, mais ce serait peut-être qu'ils ont d'habitude et par rapport aux chiffres de maintenant. Ouais. Mais ils auraient peut-être, il y a peut-être eu un manque à gagner aussi, mais ça ne saura jamais. On ne saura jamais. Gagner. Oui, oui. Voilà. Après, ça ne leur a pas porté super préjudice. Ouais. Ils ont bien vendu. Mais peut-être qu'ils auraient fait plus aussi. Ouais, je pense qu'ils se posent même pas la question. Ils ont vu combien ils en avaient vendu là. Ouais, ils sont satisfaits. Ah, oui, je pense aussi. Ils se contentent de ça. Ok. Bon, nous allons pouvoir à 21h30 glisser subrepticement vers notre sujet principal de la soirée. Mmh. À savoir la troadée, enfin le relief pour être précis. Ah, le relief. Ne bougez pas, vous allez avoir un podcast en relief à partir de maintenant. Ah, ouais, attendez, alors. Mince, j'ai oublié de mettre le plugin. Ah, désolé, ça marchera pas, tant pis. Alors, moi, tu peux me mettre sur la voie de droite, chou sur la voie de gauche, pelle légèrement au milieu. Non. Alors, si, vous me prévenez quand vous parlez, et comme ça, je peux changer à chaque fois. Alors, vas-y, Beyond, voie de gauche. Dans le niveau du podcast, qu'on aura du motion sickness. Ce que tu aurais dû faire, c'est mettre la moitié de l'écran en bleu et l'autre en rouge. Vas-y, bien, c'est à toi. Ouais, quoi, je... Non, voilà, je voulais. Enfin, bon, on va commencer par rappeler une notion de base. Voilà, ouais, quand même. Que... oui, donc, évidemment, lorsqu'on joue à un jeu vidéo sur un écran de télé normal, on a une image en deux dimensions. Puisque la base d'une vision en relief, c'est d'avoir une image différente pour chaque œil, un angle de vue différent pour chaque œil, pour que notre cerveau fasse en sorte de voir l'objet avec du relief. Et c'est non, mais ça paraît peut-être évident, mais c'est peut-être pas évident pour tout le monde. Mais voilà, ça marche comme ça la 3D. Je vais les rendre fous, j'arrête. Si et oui, oui, c'est ça. C'est en fait, c'est notre image. Nos deux yeux voient à chaque fois de toute façon deux choses différentes. Hein. C'est le fonctionnement des yeux, c'est comme ça. Mmh. Du coup, effectivement, en voyant juste un petit décalage, et ben, notre œil, c'est notre cerveau qui va. Le cerveau, il va se dire, il y a un truc qui va pas, et du coup, pour compenser ce truc qui va pas, parce qu'il aime pas les paradoxes, le cerveau, il va dire, c'est en 3D. Il y a de la profondeur, il y a du machin. Voilà. Voilà. C'est ce qui explique notamment le coup du crayon que vous mettez devant votre nez et qu'il faut arriver à taper quand vous fermez un œil et que vous tapez à côté. Parce que, sur le coup, le cerveau a plus de mal à évaluer la distance. Mm. Et c'est ce qui fait que lorsque, oui, une personne a un œil défaillant, par exemple, il va être pour lui beaucoup plus facile, difficile, par exemple, de conduire. Qui, je pense que c'est un handicap qui est vraiment très important. L'appréciation des distances, tout ce qui est... Ouais, ça peut être très compliqué. Il y a des personnes aussi qui ont leurs deux yeux qui vont très bien fonctionner en termes de netteté et tout, mais qui vont avoir, je ne sais plus comment s'appellent ces capteurs, je ne suis pas œillologue, hein, mais qui vont avoir des problèmes à voir aussi en 3D dans la vie de tous les jours. Quoi. Ça arrive. Je retiens le œillologue. J'aime bien le mot aussi, œillologue. Ouais, c'est bien, hein, j'aime bien. Ouais. Je pensais à ziotologue, mais... Bon. C'est très bien. Tout ça pour en venir à dire que dès lors où l'homme a créé un moyen de reproduire des images en deux dimensions, savoir le cinémascope, rapidement, on a aussi également essayé de chercher des procédés de manière à pouvoir reproduire ce relief. Et le premier procédé qui a été créé dans un premier temps, tu en as parlé de Chou tout à l'heure avec le côté rouge et le côté bleu, c'est ce qu'on appelle l'anaglyphe. Donc l'anaglyphe, le principe, c'est d'avoir une image avec des teintes bleues et des teintes rouges dessus et pouvoir mettre une image et pouvoir mettre des lunettes avec un vert rouge, un vert bleu, et que chaque côté annule un des deux côtés pour pouvoir avoir deux images légèrement décalées et une impression de relief. Ça marchait beaucoup avec le cinéma en noir et blanc. Oui, bah oui, forcément. Ça marche nettement moins bien avec la couleur, il faut avouer. Mais rapidement, on s'est mis justement à créer des systèmes bien plus performants, à savoir les fameuses lunettes à verre polarisé, pour pouvoir avoir deux images différentes, pour pouvoir avoir du relief. Pour la petite histoire, le premier film majeur sorti d'une major sorti en 3D au cinéma, c'est L'homme au masque de cire en 1953, et non pas Avatar. Oui, donc, bah moi je pensais au Monstre des Marais, tu sais, qui était diffusé à l'époque, c'est dans la dernière séance. Je sais pas si tu te rappelles de ça, pour les vieux ça. Oh. Oui, c'est les Universal Monsters. Ils ont sorti quelques films des Universal Monsters en 3D, ouais. Il y en a pas mal. Ouais. Voilà. Parce qu'il y avait des films comme L'étrange créature du lac noir à l'époque. Ah oui, mais c'était de l'anaglyph. Voilà, on était vraiment les lunettes, les verres polarisés, ouais. La technologie qui est encore utilisée aujourd'hui, c'est 1953. Et donc tout ça pour en venir à dire qu'aujourd'hui, ça y est, ils ont retenté la hype. Donc Avatar a réussi à porter un nouveau courant de 3D avec une technologie bien plus avancée, bien plus moderne. Qui donne toujours autant envie de vomir d'ailleurs. Ça bousille toujours autant les yeux. Ça dépend. Ça dépend si le film il a été développé totalement en 3D. Dans le cas d'Avatar, ça passe parce que le film a été développé pour. Ouais. Il y a des films comme ça où on s'y attend pas, mais c'était plutôt réussi, comme Transformers 3. Transformers 3, la 3D, elle est ouf. Hein. Elle était incroyable. Je l'ai pas vu en 3D. Pour la première fois de ma vie, j'ai comme eu du vertige sur certaines scènes. Quoi. Mais la 3D était tellement ouf dans le 3 qu'après, ouais. dans la 3D de ceux d'après, elle était pas bien. Mais carrément, ouais, c'est ça. Ouais. Moi, j'avoue que le seul film que j'ai vu en 3D récemment où j'ai trouvé que c'était vraiment bien, c'était Prometheus. Ce qui est terrible parce que c'est pas un film terrible. Ah, bah Transformers 3, c'est pareil. Hein. C'est un Transformers. Mais c'est vrai, c'est du gâchis tout ça. Oh, vous savez, il y a des films pires. Hein. Les Trois Mousquetaires de Paul Anderson, il est en 3D. Hein. Ah oui. N'y allez jamais. Moi j'ai fait l'erreur, j'en pleure encore. Hein. C'est celui avec les espèces de machines à vapeur. Oui, avec Mila Jovovich. Ah oui, les anachronismes, mais violents, quoi. Voilà, il était en 3D, mais en 3D dégueulasse. Ouais. C'est pas bien. Et juste pour la petite anecdote, parce que moi j'aime bien les petites anecdotes perso, moi j'ai vu un film au cinéma avec des lunettes 3D anaglyph que je possède encore aujourd'hui. C'est le 6e épisode de Freddy, la fin de Freddy. Ah, il y avait le dernier quart d'heure du film en 3D anaglyph. Avec une paire de lunettes qui était donnée à l'époque pour la séance. Voilà. Et juste pour que j'étais allé avec un adulte parce qu'à l'époque j'avais peut-être quelques mois, il me manquait peut-être quelques mois pour aller le voir. Voilà. Mais tu avais gagné tes places dans un paquet de cornflakes du coup. Non. C'est la 3, putain, les paquets de cornflakes quoi, avec leurs images 3D derrière. C'est là que j'ai eu ma toute première expérience avec la 3D, moi. C'était Golden Grams, je crois. Et ils foutaient des lunettes, les lunettes, là, bleues et rouges, là, avec une image anaglyph derrière, et t'étais là. Oh, tu pouvais voir le futur. C'est réel, danser devant toi. Le futur. Et c'est vrai qu'en termes de 3D aussi, il y avait un truc dans les années 90 qui était à la mode, début des années 2000, c'est les... comment ça s'appelait ces machins, les images où on voyait rien, juste à part une reproduction de motifs à l'infini, et il fallait loucher pour pouvoir voir un truc en relief apparaître. Ah oui. Ah ouais, je sais pas. Pareil, dans des paquets de cornflakes, il y en avait aussi de ça. j'ai beaucoup mangé de cornflakes quand j'étais petit. Et j'en mange encore beaucoup actuellement. Tu bouffes avec le visage du Christ, c'est ça. Ouais. Oui. Ouais, c'est des illusions d'optique, mais je sais plus, ça porte un nom. Mais... Stéréogramme. Stéréogramme, ouais, ça c'est bien possible. Ouais. Voilà, c'est ça, c'est les stéréogrammes. Voilà. Que si vous voulez vraiment en plus vous péter les yeux à voir des stéréogrammes qui ressemblent à rien, vous lisez le manga Angel de Ujin. Oui, c'est du hentai. Il y a des stéréogrammes en noir et blanc. Bon, bref. Donc, tout ça pour dire que... Et après, on te donne une porte des lunettes. Tout ça pour dire que... Très rapidement, le domaine du jeu vidéo, un petit peu comme le cinéma, s'est dit que... Bah, ce serait vachement sympa qu'on voit des choses en relief. Hmm, effectivement. Ouais. Bah oui. Bah oui. Attends, je tue vos bottes, hein, allez-y. Je... Et le premier jeu sorti apparemment répertorié comme jeu sorti en 3D, c'est un jeu d'arcade qui s'appelle Sub-Rock 3D de 1982, développé ensemble par Sega et Matsushita. Panasonic, voilà, c'est ça. Et donc, voilà. Attention, c'est que la version arcade de Sub-Rock 3D. C'est ça. Parce que pour le coup, je l'ai sur Coleco, t'as pas de... Ah, c'est pas la 3D, ouais. Alors, comment le jeu faisait de la 3D? Parce que ça, c'est quand même super rigolo. Système de disque, non? Voilà, le disque qui tourne, qui disque permettait d'obstruer un œil puis l'autre, puis un œil puis l'autre, en même temps que les images s'affichaient alternativement à l'écran. Alors, graphiquement, je pense que, bon, ça devait être... assez rudimentaire. On a quand même une résolution de 240x224, ça devait être quelque chose d'assez... Mais bon, on était dans les salles d'arcade, hein, et là, forcément, on n'était pas trop dans les systèmes à la maison. Ouais, c'était ça. Ouais. Le premier système pour console de salon qui a intégré de la 3D, c'est notre bonne vieille Vectrex. Avec le Vectrex 3D Image. Voilà. Monsieur Chou connaît bien la machine. Yep. Alors, la question, c'est est-ce que, toi, Chou, connaissant bien la machine, tu as déjà vu ces lunettes 3D pour Vectrex? Oui, à un prix débile, si bien que j'ai fui. Ouais, bah, en même temps... Je me suis dit, ok, c'est un truc qui m'intéresse, mais non. Va déféquer dans ta voiture, pour parler poliment. Voilà. En même temps, c'est normal, hein. Il faut expliquer aussi pourquoi il y en a peu. Hein. Voilà. Mais je l'ai senti. Quand j'ai vu le prix, je suis parti. Ouais. Il est sorti en 84, la même année que le crash du jeu vidéo. Ah oui, c'était foutu déjà. À partir de là, ça a été fini pour, voilà, plus, pour le Vectrex. Voilà. Donc on avait la même idée, c'est-à-dire on avait un disque qui faisait des rotations, qui obstruait un œil puis l'autre. Très peu de jeux compatibles. Ouais, la Vectrex était déjà une fabuleuse console, donc avec du graphisme, avec de la 3D vectorielle. Mmh. Et c'était une machine qui était déjà très en avance sur son temps. Je pense que voilà, le procédé 3D aussi à l'époque, c'était quand même quelque chose de très osé. Moi, j'ai malheureusement pas eu l'occasion de tester ce truc 3D. Moi non plus. En même temps, c'est compliqué. Voilà. Si j'ai l'occasion un jour de le faire, je pense que je serai vraiment ravi. Et donc, personne n'a testé les lunettes 3D du Vectrex. Bah, malheureusement, non. Non. Ouais, c'est vraiment... Du coup, quand on a parlé de ColecoVision, ça m'a rappelé que je devais changer le bloc alimentation de ma Coleco. Et c'est très bien. D'accord. Oui. Et donc, les premiers... Alors après, donc, on est passé donc à l'ère de la 3D, mais attention, là, on rigole plus. On va commencer à parler des consoles les plus vendues de l'époque. Hein. Enfin, celles qui ont permis, en tout cas, le renouveau du jeu vidéo. La NES et surtout la Master System. Hein, il n'y avait pas autre chose avant? Une télévision qui a fait un truc Overforce. Ouais, mais une tentative c'est... Mais pour le coup, je ne savais même pas que ça existait. Hein. C'est parce que je m'ai partagé le lien et que du coup, j'ai regardé ça. Mais... À la limite, voilà, on l'a mentionné. C'est très... Voilà, parce qu'un jeu 3D, donc apparemment, où les lunettes n'étaient même pas incluses dedans. Non. Bon. Ce qui est pas mal. Donc, je pense que pour moi, la première vraie sensation 3D, enfin pour nous en Europe en tout cas, c'est les fameuses Sigascope 3D pour Master System. Hein, également appelées les lunettes de Bret Hart. Ah ouais, putain, ça ressemble trop. Non mais c'est ça, c'est violent. Et donc le principe, bon, rapidement le principe des lunettes de la Master System, c'est que donc vous avez deux écrans LCD qui s'allument l'un après l'autre. Les images s'affichent également l'une après l'autre à l'écran, vous donnant du relief. Alors, ça fonctionne. Je pense que, enfin, je suis pas le seul à avoir testé une lunette 3D Master System. Ah. Ça fonctionne, ça fait du relief, c'était plutôt impressionnant à l'époque. Par contre, le problème, c'est que bah, forcément, ça se fait au sacrifice d'une animation fluide déjà. Par exemple, Outrun 3D n'est vraiment pas aussi agréable à jouer que Outrun de base. Ouais. Parce que forcément, la console doit calculer deux images, donc on ne peut pas trop bien demander non plus, la pauvre Master System. Les lunettes Master System aujourd'hui ont pris pas mal de prix, comme ça commence à coûter vraiment cher les lunettes elles-mêmes. Le problème majeur de ces lunettes, c'est qu'elles vieillissent extrêmement mal. Je dis, si jamais des gens veulent en acheter, il faut vérifier les connectiques, qui sont à base de jack, qui ont tendance à, voilà, avoir souffert avec le temps et créer des faux contacts. Bon, vérifier les écrans LCD eux-mêmes, mais le pire, c'est qu'elles sont entièrement en plastique et qu'elles sont prévues pour une tête d'enfant. Et les branches aussi. C'est l'enfer. Et si je me trompe pas aussi, elles sont branchables uniquement sur la Master System 1. Hein. Yep. De base, hein. C'est juste sur la 1 parce que c'est avec le port carte. C'est ça. On peut les brancher que sur la première Master System. Ouais. Mais les branches sont très souvent cassées et honnêtement, moi je me suis même déjà dit que je pourrais prendre une paire des miennes et rajouter un espèce d'élastique pour qu'elles tiennent sur la tête. Et en virant définitivement ces branches qui ressemblent à rien, quoi. Les machins plastiques qu'il y a, c'est vraiment très très très très fragile. Et pour dire qu'il ne faut pas oublier aussi que ces lunettes ont été créées par Marc Cerny. Marc Cerny, créateur de Marble Madness et de Knack aussi. Et de Knack, et puis surtout l'architecture de la PS4. Hein. Voilà. Ah oui, je ne savais pas du tout. Donc c'est lui le papa de ces lunettes. Ah oui. Mm-hmm. Quand même. Donc vas-y, continue. Et donc Sega a sorti ses lunettes en Europe, qui était dans un pack vendu avec la Master System, qui avait un jeu 3D intégré dans sa mémoire et ses fameuses lunettes, ainsi que le pistolet, qui est à l'heure actuelle sans doute le pack Master System le plus recherché de tous et le plus onéreux. C'était quoi, c'était Zaxxon 3D, le jeu du bundle, non? Non, c'était Missile Défense. Missile Défense. Voilà, qui n'est pas franchement le meilleur. Et donc, y a 8 jeux au total qui sont compatibles. Oui. Avec le Segascope 3D. Alors, personnellement, je ne garde pas un souvenir impérissable de la plupart de ces jeux. Je dirais peut-être que mon préféré, moi, c'est Maze Hunter. Et que vous avez de la chance, on peut le retrouver sur la petite compilation de jeux 3D qu'a sorti Sega sur 3DS, qui est sorti il y a quelques temps, qui se trouve aujourd'hui pour une misère à gauche et à droite. Comment est-ce que ça s'appelait ça? Je ne savais même pas qu'ils avaient sorti une compilation. Non, pas, ça s'appelle pas Sega 3D Classics, un truc comme ça, non? Ouais, oui, c'est ça. C'est ça, je crois que c'est ça. Ouais, tout simplement, comme ça se prononce. C'est ça, Sega 3D Classics Collection. Il y a un seul jeu qui est sorti en Europe, qui se trouve aujourd'hui pour une vingtaine d'euros assez facilement. Et parmi les jeux, vous avez donc ce fameux Maze Hunter 3D de la Master System, qui permet d'y jouer donc avec un vrai effet de relief sur une console moderne. Et qui coûte la modique somme de... Non, je sais plus, parce qu'il est sorti il a une sortie un peu confidentielle, cette compile-là. Non, mais la compile elle-même, aujourd'hui, une vingtaine d'euros à tout casser. Ah, quand même. Dire. Ah. Oui, non, elle est trouvable assez facilement. Elle a pas marché de ouf, quoi. C'est... Ouais, justement, au Japon, ils ont sorti 3 compiles. En Europe, on a eu droit qu'à la seconde, nous. Parce que, apparemment, on a droit qu'à une partie. C'est pas forcément les jeux pertinents. Vu que ça a été fait pour sortir en trois compiles différentes au Japon, on se doute bien qu'on n'a pas tous les meilleurs jeux dans une seule. C'est un peu fait exprès. Oui, ça me fait penser à Capcom et Megaman. Pardon. Non, Capcom, ils vont peut-être faire pire même. Ils vont peut-être faire une compile avec Mega Man X 1 à 4 et Mega Man X 7 à 8. 1 à 6, 4 et 5 à 8. Ce qui serait complètement suicidaire. Apparemment, t'as pas 9 et 10 qu'il faut que tu télécharges à part. Non, je parle Mega Man X. Mega Man X, pardon. Okay. Ouais. Ce qui serait complètement suicidaire, mais ce serait les rumeurs. Non, pour l'autre, ça va, parce que les Mega Man, globalement, il y en a. Bon, dans la première, tu vas retrouver le 2, 3, 4, enfin 1, 2, 3, 4. Enfin voilà, ça va. C'est rigolo. Non, la deuxième, pour les Mega Man de base, surtout, mais même le 7 et le 8 ne sont pas à jeter. C'est pas parce qu'ils sont différents d'un style graphique. Ils ont un feeling assez différent, mais ils ne sont pas mauvais. Ils ne sont pas mauvais, voilà, ça. Non, ça va. Non, pour la compile Mega Man X, on va voir, mais ça peut être triste, je crois. Enfin bref, hors sujet. Désolé. Donc ces lunettes 3D Master System, le problème aujourd'hui, c'est que il faut vraiment vérifier leur état de fonctionnement. Il vous faut une télévision cathodique 50 Hz obligatoirement. Ça ne fonctionne pas avec une télé 100 Hz. Ça ne fonctionne pas avec du LCD. Ça ne fonctionne pas avec. Pour la version PAL. Hein. Pour la version PAL. Voilà. Donc sachez que maintenant ça fonctionnerait plus vu qu'on n'a plus que du 49,996 Hz depuis que le Kosovo et la Serbie ont décidé de ne plus alimenter l'Europe de l'électricité. Par contre, petit détail pour les puristes du 60 Hz, si vous switchez votre Master System, les lunettes européennes passeront à la bonne fréquence, elles passeront en 60 Hz comme les jeux, sans problème, on peut jouer aux jeux en 60 Hz avec une console européenne switchée. Ça marche très bien. Ouais, c'est ça, c'est parce que il y aura une toute petite différence de fréquence, mais c'est bon, ça passe. Vous pouvez y aller. Mmh. Ça se compte en pourcent. Bref, on s'en fout. Il y a des gens ici qui ont testé la Master System, notre 3D Master System déjà, à part Chou et moi. Oui, il y a très longtemps. Moi, je les ai. Les branches sont nazes. Elles fonctionnent plutôt bien. Mais enfin, pour le prix où je les ai payées 1 euro en brocante. Il faut une assistante pour tenir une lunette sur ton nez. Ouais, ou alors. Ou un gros élastique, non ? Non, moi, j'avais fait le bourrin, le scotch. Ouais, d'accord. j'allais dire la glu, mais c'est un peu dangereux. Je me suis scotché les lunettes à la tronche. Voilà, bon, enfin, elles étaient dans un bac de bric-à-brac. Je les ai négociées à 2 euros parce qu'il y avait un jeu électronique Tiger tout pourri dans le lot. Et comme toutes les brocantes, je l'ai fait avec mon père. Et au bout de 10 mètres, il me fait « C'est quoi la merde que t'as acheté ?» J'ai dit « Ta gueule, tais-toi, avance vite !» C'est toujours la parano, c'est quand tu fais un deal comme ça, c'est « Vas-y, dépêche-toi !» Quand le mec, il me court après. Merde, il est derrière nous. Il a compris, vite. Alors que je pense que le type, il était content de se débarrasser de stats plastiques pour 1 euro. Oui, enfin, en sachant pas exactement ce que c'était. Donc à partir de là, elles sont complètes. Hein. Il y a l'adaptateur qui va. Donc, il faut la fameuse adaptateur qui se glisse dans le port, le slot carte de crédit de la Master System 1. Petite anecdote, soit dit en passant, au Japon. Lorsque la Master System est sortie, elle est un petit peu différente de notre Master System européenne, et ils ont intégré cette carte dans la console, ce qui fait qu'il y a juste la prise jack. Il suffit de brancher les lunettes sur la prise jack, et les lunettes 3D fonctionnent parfaitement sur une Master System japonaise. Ah, c'est stylé ça. Ouais. Les européennes, vous les branchez, ça fonctionne, il n'y a pas de problème. Voilà. Là, c'est bon à savoir. Et moi, à l'époque, j'avais une Master System 2, j'avais un pote à moi qui avait une Master System 1, mais personne que je connaissais qui avait ses lunettes 3D. Ce qui fait que quand je me suis mis à collectionner un peu la Master System, c'est une des premières choses que j'ai essayé d'acheter. C'est-à-dire que les lunettes que j'ai, j'en ai plusieurs paires, je les ai achetées il y a presque 15 ans, je voulais absolument voir ce que ça donnait, les jeux 3D. Moi, j'avais essayé à l'époque avec le Space Harrier 3D. Ouais, mais c'est normal. C'est un pote à moi qui les avait. C'est ta console du cœur aussi. Bah, c'est ma console, c'est la première. C'est mon premier amour, vous voyez. Moi aussi, Master System. Et toi aussi, petit. Ah oui, moi, j'aime la Master System d'amour aussi. Ouais. Mais tu vois, là, tu demandais qui l'avait testé. Moi, non, ben, je ne l'ai pas testé, parce que moi, j'étais passé à côté de la Master System déjà à l'époque. Tu vois. Je la connais très mal. Je la redécouvre tardivement, mais j'ai pas pu essayer ces lunettes. Voilà, quand tu penses que tu en avais à portée de main. Mais oui, Pourquoi tu ne me l'as pas dit? Voilà quoi. Et en même temps, Nintendo a fait la même chose que Sega. Ils ont sorti les Famicom 3D, le Famicom 3D System. Alors par contre, Nintendo n'a pas eu l'audace de Sega de sortir en Occident ses lunettes 3D. Ouais, effectivement, mais il existe l'équivalent des lunettes 3D Master System pour la Famicom au Japon, avec bah, pas mal de jeux compatibles. Ah oui. Dont un, je pense, qu'on connaît, parce qu'il doit être sorti en Europe, Rad Racer de Square. Voilà. Et Rad Racer est un des jeux qui combat. Ah, mais parce oui. Donc pour la petite anecdote, en version Japon. Lorsque Nintendo a sorti certains jeux en Occident, que ce soit 3D World Runner ou Rad Racer, donc Highway Star au Japon qui est devenu Rad Racer chez nous, on a forcément on a forcément abandonné donc le système des lunettes 3D vu qu'elle n'était pas sortie chez nous. Par contre, ils ont rajouté le mode anaglyphe et le jeu Rad Racer était vendu avec une paire de lunettes anaglyphe rouge. Ouais. Et bleu. Personnellement, je n'ai jamais vu un exemplaire de Rad Racer avec les lunettes. Je pense que ça doit faire partie des choses très pénibles à trouver, les lunettes d'origine qu'il y avait dedans, qui n'ont pas été bouffées par le chien. Maintenant, oui, à l'époque, je me rappelle, j'avais joué, j'ai un pote qui l'avait, mais j'étais mort aux mains. C'était cool. C'était rigolo à jouer. Et ces lunettes 3D Famicom, le 3D System, j'ai failli mettre la main dessus cet hiver. Je suis arrivé au magasin 20 minutes trop tard. Pourtant, j'étais à 50 mètres de là. Je me suis dit, ouais, je vais attendre qu'il y ait un peu moins de monde, je vais pas y aller ou je vais pas envoyer un SMS. Personne va me dépasser, personne va les prendre. Et voilà. Bah, sinon, vous pouvez toujours essayer de vous rabattre sur la version Sharp, hein, parce que Sharp a fait aussi des lunettes 3D. Ouais, mais il faut voir après. Faut voir après le prix. Et je pense qu'elles n'étaient pas compatibles. Attends, elles n'étaient pas compatibles qu'avec la Twin Famicom? Non, en fait, Twin Famicom, c'est le nom qu'ils ont donné. En fait, la seule différence, c'est les cosmétiques. D'accord. Pour les lunettes. Ils ont fait leur modèle à eux. Mais en fait, c'est Twin Famicom, mais ça fonctionne sur la famille. Okay. Et alors, soit dit en passant, j'ai dit tout à l'heure qu'il y avait plus de jeux sortis sur... En fait, c'est même pas vrai. Il y a plus de jeux sortis sur la Master System, sur les lunettes Master System que sur les Famicom 3D. Il y en a 7 au total, contre 8 sur la Master System. Donc... Vous aviez cet accessoire extrêmement onéreux qui donnait un effet relativement correct, mais pas foufou non plus, et en plus compatible avec très peu de jeux. Bon, réfléchissez à ça, on en reparlera quand on parlera de la 3D avec la PS3. Ouais, c'était le Motor Storm et tout, enfin bref. Et donc, sur le coup, ça a fait quand même aussi plouf aussi vite que c'est apparu. Parce que ni la Mega Drive, ni la Super Nintendo n'ont eu après la même chose de manière officielle. Non, mais la Super Nintendo, elle n'avait pas besoin de ça. Elle avait le mode 7 et le Nintendo Scope. Donc, la 3D, voilà, on s'en fout. Oh, bah oui. Fury dit la Mega Drive, si, mais enfin, il pose la question, mais je ne sais pas, ça me dit rien, moi. De lunettes 3D pour la Mega Drive, je sais pas, là comme ça, de tête, il y a eu des jeux qui s'appelaient Sega VR, mais apparemment, ce n'est sorti que sur arcade. Ça devait sortir sur Genesis, sur Mega Drive. Oui. Et finalement, c'est jamais sorti. Sega a abandonné l'idée en cours de route. Alors, je ne sais pas si ça a des coûts de production ou refroidi par ce qui se passait comme un système. Donc, comme d'habitude, il y a peut-être un prototype qui traîne quelque part dans le monde, dans un café dédié et tout. Ah. T'imagines? Et après, on a eu quelques tentatives, je vois, sur Amiga sur Amiga de jeux, donc avec de la 3D anaglyphe encore. Et mais il y avait Atari avait carrément développé un casque de réalité virtuelle. Ouais, pour la Jaguar. Mais non, mais la Jaguar, c'est après tout ça. C'est bien après, mais voilà. On n'y est pas encore. Et juste pour les jeux MS-DOS rapidement, le premier jeu MS-DOS avec une 3D Anagif, c'est le fameux Magic Carpet. Que notre ami personne c'est Molly 2, je crois, c'est ça. Oui, Bullfrog, des premiers jeux sur PS aussi. Peter Molineux, Bullfrog, un jeu qui est encore sympathique à jouer aujourd'hui avec un. Oui, il est pas mal. Et je crois qu'il était sur Saturn aussi, non ? Il est sorti sur Saturn et PS1, oui. Tout à fait correct. Il me semble que je l'ai sur Saturn. Et donc les joueurs PC, MS-DOS, avaient le droit d'y jouer en 3D Anaglyph avec leur. D'accord, ouais. C'était une adaptation d'Aladin ou rien à voir ? Non, c'était t'avais un tapis volant et voilà. Ben ouais, c'est ça. Ok, on y est, ne pas rentrer. Je me souviens des décors qui s'affichaient en 3D en dessous et tout. À l'époque, c'était la 3D, donc tout le monde était émerveillé. Ah, la 3D ! Ouais. Comme tu dis, Vivon, tu dis que ça n'a pas trop mal vieilli. Mais... Les autres, il y a juste pour mentionner deux autres jeux sous MS-DOS qui étaient compatibles 3D. Il y avait le fabuleux, je pèse mes mots, Descent. Ah oui, alors ça en 3D. Non, mais ça, il ne faut pas. Ça, si tu veux vomir déjà sans la 3D. Alors, ouais, faites pas ça. C'est compliqué. Descent, c'est pas drôle. En 3D, faites pas ça. Faisez pas les fous, les gens. Et après, il y a eu Duke Nukem 3D qui avait un mode Anaglyph. D'accord. Et puis j'allais faire un mauvais jeu de mots sur Descent, du coup, je préfère. Non. Mais bon, je le lirai en privé, boss. On le devine déjà. The Descent, si vous connaissez pas les gens, c'est quelqu'un qui s'est dit « Ah, les FPS, ça marche vachement bien, on va faire la même chose avec un vaisseau, donc on va lui donner tous les axes de rotation et d'avancée possibles et imaginables. » Mais quand tu joues, tu t'aperçois qu'effectivement, c'est moins drôle. Sur papier, c'est cool, mais quand tu joues, si vous croyez que ça n'a pas marché, il y a eu un Descent 2, et si vous croyez que ça n'a vraiment pas marché, il y a eu même un concurrent qui s'appelait Forsaken à l'époque. C'est vrai. Les gens ils se sont dit c'est une bonne idée. Non mais moi pour moi c'était une torture. Le jeu était mauvais. Je détestais moi les Descent. Hein. Pour moi c'était vraiment cool, mais il fallait être bien assis, il fallait être en forme. Mais c'est un truc de ouf. Hein. C'est des jeux. Il fallait pas y aller quand t'étais pas bien. Enfin, oui, parce que t'as pas de rien, quoi. Tu peux naviguer dans l'espace, mais sur tous les angles. Les premiers Descent, je les ai. Tu joues pas à ces jeux, hein. Ouais, c'est vrai. Non, mais les premiers Descent, je les ai fait chez mes cousins. J'ai pas joué longtemps, mais je trouvais ça génial. Le premier Descent, d'ailleurs, est sorti sur PS1 et il est un des rares jeux compatibles avec l'espèce de double manche d'avion, le premier analog stick de la PS1. Oui, mais ouais, c'est normal pour le type de jeu, tu me diras. Voilà, et il est entièrement compatible, il fonctionne avec, et c'est vrai que c'est assez agréable de jouer avec ça. Quoi. D'accord. Oui, ça devait être plus agréable qu'avec la manette PS1, effectivement. Ah, Mérovingien nous dit apparemment que lui, il y joue avec la manette PS1, mais il a dû remapper les touches quand même. Hein. Oui, non, mais je le comprends. Je le comprends tout à fait. Moi, j'en garde tellement mauvais souvenir. Donc, monsieur Biron, d'après. Donc après, nous allons venir avec le premier grand moment de la 3D. Virtual Boy. À savoir Nintendo. Ah, juste, si on peut juste placer un mot pour le Laser Active Pionnier. C'était avant ou après Laser Active ? C'est au même moment, il me semble. Ah, à peu près au même moment. Comme c'était beaucoup plus anecdotique que le Virtual Boy. C'est vrai, on va en parler quand même. Mmh. Alors, si vous pensez que les lunettes 3D pour le Vectrex c'était cher, on a mieux. On a beaucoup mieux pour vous. Vous voyez la Pioneer Laser Active ? Non, vous ne voyez pas. Alors, Pioneer Laser Active, en plus d'être un truc qui fait passer la première Xbox pour un modèle de raffinement et de simplicité de légèreté. Je vois le joueur. Ah merde, ça se voit là. Ah oui, c'est 5 kilos, je crois, le Laser Active. Voilà. C'est un monstre, le truc. Ouais. Permettez donc de. Qu'est-ce qu'il fait ? Il a fait quelque chose de mal. Oh, Fury ! Non, mais là, il disait un motocross 32X en 3D. C'est pas possible. Non, c'est. Ça n'a pas existé. Faites pas ça. Faites pas ça. Et donc oui, la fameuse Pioneer Laser Active qui consistait à sortir une espèce d'extension, on va dire, pour la Mega Drive, qui permettait de jouer des jeux qui étaient sur un support vidéo disque. Ouais. Donc avec une qualité graphique absolument superbe. Exceptionnelle. La machine est très rare, encore plus rare en état de fonctionnement. Les jeux sont quasi introuvables. Et au-delà de ça, parmi les pompons, ils ont sorti un système de lunettes 3D qui existe, qui a été en vente et qui est encore plus introuvable que Laser Active lui-même. Oui, et en plus, il y a quoi, 3, 4 jeux. Il y a 4 jeux, oui. Il me semble. Voilà. Et je veux dire, je ne sais même pas, il y a peut-être un disque érotique aussi compatible avec, ce serait bien, parce que sinon, je ne vois pas l'intérêt de l'acheter. Bah, juste pour savoir qu'en plus, on peut échanger avec les lunettes de la Master System. Ah oui ? Oui. Oh. C'est compatible. C'est compatible. Ah, mais comme quoi ? Bon, les lunettes sont interchangeables avec celles de la Master. Vous avez juste un laser active fonctionnel à trouver, ce qui va pas être une sinecure. C'est une broutille. Ça devrait être facile. Mais c'était là, on est ben, un peu comme le laserdisc à l'époque par rapport à la VHS. C'était une espèce de super haut de gamme. Oui, c'était vraiment pour. C'était pareil. C'était vraiment très élitiste hein, au niveau tarifaire. Et, Totalement. Donc c'était vraiment anecdotique. Mais ils ont tenté l'expérience aussi. Pour une liste exhaustive de ce qui est sorti sur laserdisc, je vous renvoie vers le fabuleux site Guardiana. Qui, en plus d'être le site le plus complet du monde sur la Mega Drive, recense aussi les jeux Laser Active, vu qu'ils sont intimement liés au hardware de la Mega Drive. Mais pour le coup, le Laser Active, c'est assez rigolo. C'est un peu. T'as pas l'impression que le marché de cette machine, c'est le Japon. Ils sont quand même connus, les Japonais, pour pas avoir beaucoup d'espace dans leur salon, quoi. Donc pour le coup, une machine qui prend autant de place. Bah justement, ça fait table basse en même temps. Donc... ouais, mais bon, enfin. Besoin, hein. La console table basse. Bah ouais, la console. Pour le décapé, tu peux t'asseoir dessus. Même. La console, voilà, c'est moderne. C'est comme les mecs qui prennent des vieux Mac Pro, en fait, ils mettent. Ils en achètent deux, genre pour pièce. Ils mettent une planche de bois au milieu, ils en font une table basse dans leur salon. Je sais pas si vous avez ce genre de truc. Gain de place. Mais faut pas croire qu'il y a encore en France des gens. Qui cherchent des laserdiscs activement. Ah oui, bien sûr. C'est quelque chose qui se fait. J'en collectionne un petit peu. J'en vois régulièrement passer à des prix plus connaître. Ouais, c'est sympa comme machin. La petite nuance avec la Neo Geo, c'est que la Neo Geo, tout le monde la voulait quand même. Ah ouais, à l'époque, le laserdisc, mis à part les connaisseurs, ceux qui aimaient. Juste, soit en passant, laser actif pour aller encore un peu plus loin, parce que je sens que Mérovingien va craquer son PEL. Donc, il existe en plus du laser actif deux petits modules. Il y a une trappe en bas à gauche en fait, de laser actif qui permet de glisser des modules. Il y a un module qui permet de jouer à toute la ludothèque Mega Drive. Et l'autre pour la PC Engine. Oui. Et l'autre pour jouer à toute la ludothèque PC Engine. Ouais, ça, par contre, ça claque. Et c'est énorme. Il me semble que si tu mets la bonne U-card qui va bien, tu peux jouer au jeu CD. Et les jeux Master System fonctionnent aussi, il me semble. Master System, je ne sais pas, mais sur Mega Drive, pareil, sur Mega Drive. Voilà, oui, les jeux Mega CD fonctionnent, il n'y a aucun problème. Et alors, tu es en train de me dire qu'après, avec le module Mega Drive, tu branches le 32X et Je ne sais pas. Non, parce qu'en fait, vu la forme tout bizarre du truc, à mon avis, le 32X ne va pas passer correctement. Ouais. Et donc, avec les lunettes 3D et le module karaoké, vous avez l'ensemble qui, à l'heure actuelle, est un des ensembles les plus chers possibles en rétro gaming. Les tarifs sont farfelus. On parle de 4 chiffres là, sur un laser actif complet avec les deux modules. Voilà. Et les jeux avec. C'était une belle machine. Il faut me chercher une Nomade, oui. Mais alors la Nomade, attention, c'est comme la PC Engine Turbo GT. À l'époque, c'était bien. Aujourd'hui, Nomade. Tu regardes l'écran et tu fais quoi ? Déjà, il faut que tu en trouves une qui fonctionne correctement maintenant. Oui. Sur la limite, pour une débile et modérer un écran. Et donc, c'est de la merde. Oui. Ce qui nous mène donc au seul échec de la trop courte vie de notre ami Gunpei Yokoi, on va dire comme ça. Ouais, ça lui a coûté cher. Ou en tout cas, son échec le plus retentissant. Voilà. Le fameux Nintendo Virtual Boy. Savoir la machine qui tentait la 3D. Alors, est-ce que. La 3D, elle peut être frais. Qui en a ici ? Moi j'en ai un. Moi j'en ai un, en fait, j'ai le prix. Ok. Est-ce que c'est pire que ce qu'on disait à l'époque? Alors, attention, je tiens après le chat, assieds-toi, prépare-toi à remettre en cause tes convictions, écoute ce que Vion va te dire. Non, je dis juste, alors moi je tiens à dire, comme tu as dit Chou tout à l'heure, la 3D fait mal à tout ça. Alors moi je fais partie des gens qui, enfin j'ai jamais eu de problème avec la 3D, ni même sur 3DS, ni quoi que ce soit. J'ai fait des séances de Virtual Boy qui ont pu durer 20 ou 30 minutes. Non, je n'ai jamais saigné des yeux. Pareil. Le problème, c'est que dans la mesure où tu te retrouves dans le noir, tu perds tes repères, mais tu perds tes repères comme si tu éteins la lumière chez toi et que tu veux te lever au bout de 20 minutes. Ouais. Pareil. Mais non, ça fait pas. C'est des écrans LCD rouges. Enfin, ça ne tue pas les yeux spécialement. C'est pas génial, mais c'est pas la grosse merde absolue qu'on t'a vendue. Par contre, le truc que moi je ne comprends toujours pas, c'est cette manette. Avec les deux sticks analogiques de chaque côté, qui pour le coup, je pense pas qu'ils sont utilisés dans beaucoup de jeux. Le concept de gaucher-droitier aussi, un peu, la manette ambidextre. Ouais. Bon. Étant donné que Nintendo bouleverse les codes avec la Famicom et met le truc qui te permet de diriger à gauche au lieu d'à droite, ouais. Ou avant avec les manettes Atari. Donc voilà, quoi, pour le coup, faire une manette ambidextre, j'y crois moyen. Et il me semble d'ailleurs que les deux sticks sont utilisés avec Téléroboxer et je sais plus quel jeu. Mais c'est sûr que c'est pas énorme. Ouais. On peut pas dire. Mais de toute façon, la machine n'a pas eu beaucoup d'ordre. Elle est sortie qu'au Japon et aux États-Unis. Mais combien d'exemplaires? 800 000, non? 770 000, on estime, exemplaires en total. Bon. Presque pas autant que la N-Gage. Pardon. On fera comme si on n'avait pas entendu. Et voilà, enfin, moi quand j'entends les critiques dire par exemple que l'effet 3D n'est pas convaincant. Non, c'est des conneries. Joue le flipper. L'effet 3D, il est vraiment bien. Ça fonctionne vraiment. Après, bon, comme toujours, je vais porter très clairement. Si vous devez acheter un Virtual Boy, aujourd'hui, ça va vous coûter un peu cher. Un Virtual Boy, il y en a facilement pour 200-250 euros. Oh, on en trouve des fois 100-150 balles. Ouais, mais complet ou en loose? En loose, voilà. Le problème majeur, c'est testez-le. Voilà. Achetez pas un Virtual Boy sans le tester. Il y a surtout plein de d'avaries possibles. Ouais. On ferme à tour de tour un œil, on vérifie que les deux écrans fonctionnent. Vraiment, c'est une machine qui, elle vieillit. Si elle est bien entretenue, elle vieillit pas mal, mais il y a quand même de la technologie à l'époque. C'est des choses qui étaient faites pour être jouées voilà, sur une table. Oui, parce qu'il faut indiquer aussi qu'il y a un bipied. Ouais. C'est pas un casque, ça, c'est un bipied. Ouais. On met sa tête dans les lunettes. C'est pas quelque chose qu'on porte sur la tête. Autant que la 3D, moi, elle me bousille pas les yeux. Par contre, la console me bousille la nuque. Oui, ouais. Parce qu'en termes d'installation. De la façon, t'es obligé d'être un peu plié en quatre pour mettre ta tête dans le casque. Et du coup, c'est un peu moyen. Et ensuite, le son était bien aussi. Le processeur sonore de la console n'est pas ridicule non plus. Il me semble que t'as deux haut-parleurs en fait. Ah oui, la console fait de la vraie stéréo quand t'as la tête dedans. Il existe, pour ceux qui n'ont pas envie d'acheter des piles, un petit adaptateur qui permet qui se branche à la place du module de pile, qui permet simplement de brancher une allume Super Nintendo à l'intérieur. Vu que de toute façon, vous n'allez pas trop aller dans le métro avec, hein, ça vous change rien. Qu'est-ce que ça brancher à une prise de courant? Et ça permet d'économiser des piles. Et oui, par contre, la rumeur est entièrement vraie. Le meilleur jeu, c'est Wario. Wario, ouais, d'accord. Wario Cruise. Pour la curiosité scientifique, il y a Téléroboxer qui est assez rigolo, parce que c'est un peu une sorte de suite plus ou moins spirituelle de Punch-Out avec des robots, mais sans l'aspect rhythm game, voilà. Il y a le Mario Tennis aussi. Ouais, Galactic Pinball est vraiment pas mauvais. Le Mario Tennis est assez limité. Le problème, c'est qu'il est sympa à un moment, mais qu'il est assez limité. En fait. C'est un petit peu dommage au niveau des déplacements. Et tout ça. C'est pas un jeu qui est très très profond. Voilà. De toute façon, c'est simple. Il n'y a que 22 jeux qui sont sortis sur la console. Ah, mais c'est toujours plus que ça. Il y en a une poignée. Pardon, j'arrête. Il y en a 3 ou 4, n'essayez même pas. Ils sont hors de portée, financièrement. C'est, voilà. Clairement. Si vous aimez le shoot, il y a Vertical Force. Alors moi, je vais appuyer très fortement Vertical Force, qui est un shoot 'em up en 3D et fil de fer. Alors ça fait un petit peu peur comme ça, mais oui, le Virtual Boy, il savait faire de la 3D. Non, 3D fil de fer, c'est pas Red Alarm. C'est Red Alarm. C'est Red Alarm en 3D fil de fer. Vertical Force, c'est celui d'Hudson. Vertical Force, c'est celui qui a deux plans différents. Voilà. Oh, qui est pas mal. Red Alarm. J'ai vu. Mais j'ai pas joué, j'aurais aimé ça par donc, contre. Donc, pardon, je me suis trompé. Moi, je vous conseille de tester Red Alarm un jour. Qui. Comment dire, c'est la 3D fil de fer, c'est pas de la 3D face pleine. Mmh. Il faut se dire. Enfin, ouais, mais en même temps, c'est un peu comme jouer à Star Fox aujourd'hui, le premier aussi. Hein. Il faut se dire, putain, ça tourne à 15 FPS, c'est pas beau. Ouais, mais non, par contre, pas être copain. Moi, je trouve autant Star Fox, il a beaucoup de défauts, il tourne à pas beaucoup de FPS, d'accord. T'as quand même de temps en temps un truc qui t'indique qu'il y a un mur dans ce coin-là. T'as aucune texture dans Red Alarm. Donc, du coup, tu t'y perds très facilement. Mais quand même, pour le tour de force, moi, c'est un jeu que je trouve. Ça montre ce que ça aurait pu donner des jeux sur cette console si on avait été plus loin. Ouais. Et au niveau petites choses qu'on a appris récemment, parce que au détour d'une vidéo sur les internets, il y a des anciennes chez Rare qui ont avoué que ils avaient commencé à faire des tests pour adapter Donkey Kong Country sur Virtual Boy et qu'ils ont abandonné. Ils ont dit OK les chiffres de vente, OK non bah c'est bon, on a arrêté les conneries. On a arrêté les conneries. Gunpei Yokoi voulait prendre sa retraite après le Virtual Boy. Et façon, il a pas eu le choix. Mais la belle chose. Non, justement. Il était tellement, beaucoup la culture de l'entreprise et lui était vraiment à fond là-dedans et il a dit je peux pas après un tel échec quitter l'entreprise, ce n'est pas possible, ça se fait pas. Et du coup il a sorti la GBA qui a vachement bien mieux marché. C'était pas là, tu confonds pas avec la Game Boy Color? Non, c'était pas. Attends, c'est un Pocket hein. C'était la. Attends, non, non. C'était la Pocket ou la Color, ouais. Mais. Parce qu'après, il a fait la WonderSwan après, quand il s'est barré de chez Nintendo, mais. Très bien, la WonderSwan. Oui. C'est la réponse de Nintendo à la WonderSwan, c'est la GBA. Donc, oui, ça doit être la Pocket ou la Color. Qui a très bien marché, par contre, pour les. C'est sûr, ça doit être la Color, puisqu'elle est à peine. Le WonderSwan, c'est la Pocket, sûr. Il est parti en 96, il me semble, de Nintendo. 96 la Pocket. Excusez-moi, j'ai Florent Gorge au téléphone qui me dit vous dites que la merde des Gaijin. Ah merde. Et du coup, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il dit Florent Gorge? Au milieu parti. Ah non, c'est d'accord. C'est pas la GBA, c'est sûr. C'est pas la GBA, c'est sûr. Attention, est-ce qu'il nous a reconnus des fois en sortant en sortie de cocktail Blague privée. Mais il a voulu se racheter, il a fait un gros carton à Nintendo après, et là il est parti à la retraite et il a fait la WonderSwan. Ouais, la Game Boy Pocket. Hein. C'est la Pocket, très bien. C'est la Pocket. Ouais. Que j'ai eu la Pocket, qui était très bien parce que le contraste était vachement mieux. L'écran il n'était pas tout vert, il était vraiment en nuance de noir, il était en noir et blanc vraiment. Et elle était plus petite et elle consommait que 2 piles. Mmh. Et comparé aux 4 piles de la Game Boy. C'était bien. Bref, et parenthèse. Après, on connaît la fin de l'histoire. Il s'est fait rouler dessus, littéralement. Bah oui. Ça, malheureusement. Ouais, c'est dommage. Et on a perdu un grand créateur. Mais ne pleurez pas. La 3D n'est pas finie. Non, plus sérieusement, si vous voulez acheter un Virtual Boy aujourd'hui, pour l'objet, je comprends, ça fait partie de. C'est une chose qui est quand même assez difficile pour émuler l'effet 3D. Je suppose que peut-être qu'il y en a qui ont dû faire des adaptations d'émulateurs avec des Oculus Rift, mais pas trop l'intérêt d'acheter un Oculus Rift pour émuler Virtual Boy. Non, surtout au prix qu'elle écoute. Par contre, si j'avais un Oculus Rift, j'aimerais bien un émulateur Virtual Boy, ouais. Mmh. Mais je l'achèterai pas pour ça, par contre, l'Oculus 1. Bah oui, oui. Concernant juste le zonage, comme le voulait l'habitude chez Nintendo, la console étant considérée comme une console portable, elle n'est pas zonée. Donc vous pouvez acheter les jeux n'importe où, ou la console n'importe où, ça n'a aucune importance. Effectivement. Oui. Et donc tout ça pour dire que pour passer à la suite, on a connu pas mal d'années où le seul support 3D dans les jeux, c'était un petit peu de fameuses anaglyphes, de lunettes anaglyphes à gauche et à droite, avec notamment donc Contra Legacy of War, qui est entièrement compatible anaglyphes. Par contre, Contra sur PS1, il jouait pas, c'est pas bien. Hein. Non, c'est pas très bien. On a eu le fabuleux Heart of Darkness. Oh, il était 3D, lui. J'avais oublié. Qui n'était pas. C'était juste pour les cinématiques, non ? Eric Chahine, voilà. C'était uniquement la séquence de fin qui était en 3D anaglyphe. Ah, bah c'est pour ça. J'ai jamais vu la séquence de fin. Donc, la version PS1 était vendue avec une paire de lunettes. Vous aviez une paire de lunettes dedans. Et c'était la séquence de fin qui était en 3D anaglyphe. Et alors, ça va être le leitmotiv de ce soir, hein, Heart of Darkness, que j'avais eu sur PC dans un paquet de Camplex. Alors, c'est la soirée Camplex. Ah, il s'en est passé des trucs dans mes Camplex. Tous tes jeux, tu les as eu dans des paquets de Camplex. Il s'en est passé des trucs dans mes Camplex. Vous avez pas imaginé. Est-ce que tu as eu un jeu dans un paquet de tuc? Pas encore, mais j'aimerais bien. Oh là là, ça serait vraiment bien. Ça serait vraiment bien. Donc, parler donc de Heart of Darkness rapidement, juste parce que peut-être que les jeunes ne connaissent pas l'histoire. C'est un jeu dont Eric Chahi dit qu'il voulait créer un nouveau jeu. Et la première fois qu'on a entendu parler du jeu, c'était en 1992. Et pour vous donner une idée, donc le jeu est sorti en 1998. Oui, très très long développement. Hein. Alors, à l'heure actuelle, on se dit c'est pas pire qu'FF15. Voilà. Mais à l'époque, c'est considérable. C'est-à-dire, le problème, c'est que... lorsque le jeu sort en 98, en vrai, c'est terrible, mais il sort en plein boom de la 3D sur PS1 et Windows. Et malheureusement, c'est ce qui fera que le jeu finalement marchera. Finira dans des paquets Cornflex. Bah oui, non, mais il n'y a pas de secret. Si ça finit dans un paquet de Cornflex, effectivement. Hein. C'est terrible, mais on sent que si ça n'avait pas duré autant, si c'était sorti plus tôt. Après, l'autre chose pour laquelle le jeu est très connu, c'est, alors ça va beaucoup vous faire rigoler, mais ces séquences en full motion vidéo à l'époque étaient révolutionnaires, ont gagné des prix et les gens trouvaient ça magnifique. Ouais. Pour l'époque, ça l'était, c'était pas mal. Voilà. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que effectivement, comme tu dis, le jeu, il a eu un temps de développement énorme et du coup, oui, c'est pas vendu et tout, mais je vais vraiment insister, mais quand je l'avais eu dans mon fameux paquet Cornflex, je lance le jeu. Et là, j'hallucine totalement. Parce que c'est pas du tout ça, un jeu de paquet de Cornflex, normalement. Tu vois, Non, là, pour le coup, t'as eu le droit à un très bon jeu. Là, j'ai fait, mais waouh, mais what the fuck, qu'est-ce qui s'est passé là? Kellogg's, ils ont assuré. Non, moi, je connaissais pas les développeurs. Oui, voilà, tu sais, les développeurs, je sais pas, mais j'étais là, mais Kellogg's, ils ont assuré là, qu'est-ce qui se passe là? Enfin, c'était un truc de ouf, quoi. Et donc, oui, Loose vient de nous sortir un émulateur Virtual Boy pour Oculus Rift, hein, comme je tiens à le signaler. J'ai regardé ça depuis quelques minutes. Ça existe. J'ai mon cerveau qui a fondu. Alors, cela dit, ça reste toujours moins cher d'acheter un Virtual Boy. Hein. C'est vrai? Ouais. Ça dépend peut-être des jeux, mais la machine elle-même quand même. Et je viens de voir aussi qu'on a eu aussi un Duke Nukem en 3D. Oui, je l'ai dit tout à l'heure. Ça a été mentionné. Ouais. Ah, vous ne suivez pas. Juste pour Heart of Darkness aussi, c'est un jeu. Parce que si vous voulez, parce qu'aujourd'hui, sur PS1, il coûte rien. Honnêtement, autant essayer de le trouver. C'est un jeu donc qui, avec un gameplay 2D qui se rapproche de certains jeux comme l'Odyssée d'Abe, par exemple. Oui. Où on a des tableaux fixes sur lesquels il y a des choses à trouver, ce qu'il faut faire, des fois pas forcément toujours très évidentes, avec un système de progression à la Die and Retry comme ça, et surtout avec passer un certain moment de jeu, vers la moitié, des cinématiques complètement hallucinées, avec des personnages secondaires complètement barrés, et même des blagues de cul à un moment pendant les cinématiques, ce qui est quand même assez hallucinant. Je me souvenais plus de ça. C'est vraiment un jeu qui est passé sa moitié est complètement fou. Voilà. Et donc, si instant vous ayez ces fameuses lunettes dans la boîte, pour pouvoir voir la séquence de fer d'un aglyphe. Et donc, après, on continue avec des choses un peu anecdotiques comme le Serious Sam sur Windows ou Sly 3 sur PS2. Très très bien. Serious Sam, qu'est-ce qu'il y avait en 3D en aglyphe dedans? Mais le jeu lui-même était jouable en 3D en aglyphe. Voilà. Okay. Et on va faire donc un petit saut dans le temps où j'entends de Skate 2, mais enfin c'est voilà des petites choses à gauche et à droite un petit peu anecdotiques jusqu'à ce que Sony arrive avec sa PS3. Alors, c'est pas tout à fait avec sa PS3. Non. Jusqu'à ce que Sony arrive avec ses télé 3D qu'il a envie de vendre. C'est plutôt ça. Donc ça correspond aussi au boom donc de la 3D dans les cinémas, donc voilà. Avec surtout le porte-étendard. Avatar. Avatar, merci. C'est un jour. Qui a eu droit aussi à son jeu en 3D. Oui. Oui. Ah bah là oui, ils avaient pas le choix. Là. C'est vrai que j'ai jamais vu Avatar, on espère. Il est bien. Il faut le voir au ciné. Il est bien. C'est pas il est bien. C'est correct. Comme tu dis moi, donc Sony, ça tombe bien, ils ont des télé 3D à nous vendre. Ils ont une PS3 qui est capable de lire les Blu-ray 3D. Et donc, ils rendent la PS3 compatible Blu-ray 3D. Je n'en ai jamais vu un seul. Je ne me suis jamais servi de la fille. Jamais. J'ai pas de télé 3D. J'ai essayé. J'ai eu une télé 3D pendant un temps très court. Je n'ai pas trouvé ça fou. Non, c'est pas fou. Hein. J'avais joué c'était à MotorStorm. J'allais en dire. Je sais plus quoi. Il y a eu donc une grosse poignée quand même. Oui, effectivement. De jeux PS3 qui donc est compatible, qui sont compatibles avec la 3D. Donc dont MotorStorm 3D Rift. Voilà. Il y avait le Wipeout HD également. Ça c'est des jeux auxquels j'ai joué en 3D. Oui, Crysis. Ouais. Et Doom 3 BFG Edition. J'utilise Zone aussi, le 3. Il y avait la fameuse Sly Trilogy aussi, du coup. Tout ce qui est trilogie, c'est-à-dire les Sly Trilogy, Prince of Persia Trilogy, la duologie. Avec les deux jeux pourris, là. Comment ils s'appellent déjà? Ico et Shadow of Colossus. Quel connard. Cela dit, j'ai joué à Shadow of the Colossus en 3D. Parce que j'ai un pote à moi qui est télé 3D, et j'avais ramené le jeu chez lui, et j'avais fait les 4 premiers Colosses en 3D, et ça marchait bien. Le jeu étant plus fluide que sur PS2, c'était sympa. D'accord. J'ai pas testé j'ai pas de télé 3D, moi, donc j'ai pas testé la 3D sur PS3. Et Sleeping Dogs était en 3D. Ah. Je sais pas, moi. Anecdote personnelle, je raconte ma vie, ça n'a rien à voir avec ce dont on parle. Vu que j'ai fait Sleeping Dogs Definitive Edition, Steam m'a dit « Ah, ce jeu devrait vous plaire, Sleeping Dogs, tout court. » Et j'ai fait « Oui, merci Steam. » L'algorithme est très intelligent. Voilà, c'est tout. Je vais vous le dire parce que ça m'a fait bien marrer. Par contre, on n'avait pas parlé du tout du fameux Jaguar VR de chez... Non, parce que casque de réalité virtuelle Jaguar n'est jamais sorti. C'était un prototype. Il y a un exemplaire. Ils ont trouvé un exemplaire, effectivement. Il y a effectivement un exemplaire, et il y a aussi quelques bornes qui ont été construites à l'époque. Mais comme on ne sait pas de quoi... Ouais, c'est un peu en Jaguar en 3D. Un Jaguar tout court. Je ne sais pas bien. Hein. Oh merde. La je vais devoir reparler de l'Endgame là bientôt. Non, c'est bon, tout va bien. Merovingien qui nous demande pourquoi ils n'ont pas rendu compatible Shadow of Colossus PS4 avec le PSVR. À mon avis, parce que le jeu, il aurait pas bien tourné. Ah. Mais on va en venir après au PlayStation VR. Mais oui, moi, j'avais testé rapidement en 3D. J'avais testé chez un autre pote à moi, parce que j'ai plein d'amis qui ont des télé 3D. J'ai la chance. J'avais testé MotorStorm, qui était vraiment bien, enfin c'était super agréable à jouer. Ouais. Et j'avais testé Wipeout HD et pareil, enfin ça marchait, c'est les jeux qui voilà, ça marche. Et c'était agréable, enfin moi j'avais pas vu d'inconvénient, c'était cool. Le truc c'est que forcément on avait le problème habituel, à savoir que il fallait que la que l'image. Ah non, c'était pas. Pardon, c'était. Je dis les bêtises. C'était pas MotorStorm Rift. C'était l'autre. Apocalypse. Ouais, c'était Apocalypse que j'avais testé. Et même Uncharted 3, tiens, est compatible 3D, je vois. En fait, il y a plein de jeux de cette génération qui sont compatibles. Il y en a beaucoup. Il y en a, ouais, il y en a vraiment. Mais alors, sachez juste que sur Wii U, il y a eu des jeux en 3D. Notamment Assassin's Creed 3, qui faisait de la 3D anaglyphe, sur le gamepad. Ah ouais. Et ouais. Et il y en a peut-être eu d'autres, hein. Donc voilà, c'est vraiment, bah, ils ont essayé, bon là sur la Wii U c'était différent, mais on revient sur avec Sony et sa PlayStation, ils ont vraiment voulu porter ça pour revendre des télés, hein. Là faut pas se mentir, hein. C'était vraiment ça la manœuvre. Malheureusement pour eux ça n'a pas très bien marché. Ça n'a pas pris, hein. Même au cinéma maintenant les gens ils vont de moins en moins... réclamer la 3D. Ça, ça n'a pas pris. Bon, après, c'est, bon, c'est facile d'en parler après coup. Oui, mais bah oui. Le surcoût des télé 3D, le fait que la technologie qu'il a emportée, c'est le LCD. C'est pas anodin. Parce que le LCD, en vérité, c'était la pire technologie pour la 3D, puisque la grande majorité des télé LCD ont ce qu'on appelle du crosstalk, c'est-à-dire des images fantômes qui restent visibles parce que la rémanence des dalles est trop importante. Et voilà, ça c'est vrai. Moi j'ai vu, pour avoir vu plusieurs télé 3D, le crosstalk sur du LCD, j'en ai toujours vu. J'ai malheureusement jamais eu l'occasion de tester du plasma, où le plasma n'avait quasiment pas de crosstalk, mais il se trouve que au même moment, ils ont juste totalement abandonné les plasmas. Donc voilà. Et le fait qu'évidemment les lunettes, les paires de lunettes 3D coûtaient aussi extrêmement cher. Puisque là, pour la plupart des modèles de télé, il fallait débourser quasiment une centaine d'euros pour une paire de lunettes 3D. Si tu as une famille de 3 ou 4, fais calcul, ça commence à être un peu puis... le surcoût de la télé, le surcoût des lunettes. Et puis tout simplement aussi le fait que les contenus de télé n'étaient pas faits en 3D et que du coup, une famille, on va dire, standard, qui va regarder un film de temps en temps, mais qui passera surtout son temps à regarder le JT ou je sais pas quoi, bah, elle n'avait pas de contenu. Donc, pas en 3D, tous les jeux ne sont pas compatibles 3D. Les Blu-ray, lorsque tu les achètes, les Blu-ray 3D, ils coûtent 10 euros de plus qu'un Blu-ray normal. C'est clair. Moment, bah, c'est quand tu vas au ciné, que tu es obligé de payer ta séance en plus pour les lunettes. Tout à fait. Tout à fait. Et ça a un coût en plus, la 3D. Et ça, je trouvais déjà, mais même à l'époque, je trouvais déjà quand même l'idée de regarder en 3D comme ça. Enfin, je sais pas, moi ça m'a jamais plu, je trouvais ça déjà ringard. Il faut que les films soient adaptés vraiment 3D. Je sais pas, je quels sont ça... les films qui sont faits je pour ça intéressant, la 3D Il y en a peu. Ça fait pas rêver, quoi. Bah, je suis un peu dans le cas de Loose, moi. 3D, finalement, j'ai vraiment joué que sur 3DS. J'avais eu l'occasion, on va peut-être rester sur cette époque-là, sur, je sais pas si tu allais en parler ou pas, mais sur PC, il y avait Nvidia qui avait beaucoup porté la 3D aussi, hein. Qui faisait des cartes qui disaient, ouais, c'est la 3D, donc avec les écrans 3D, ils avaient sorti, le, je sais plus comment ça s'appelle, Nvidia 3D Vision. Oui, c'est ça, 3D Vision. Et après, ils ont sorti Nvidia 3D Vision 2, parce que Fury en parlait, mais quand tu mettais tes lunettes polarisantes, tu as une grosse baisse de luminosité sur l'image. Oui. Et avec la fameuse Nvidia 3D Vision 2, en fait, t'avais un truc qui faisait que ça boostait la luminosité en amont, ce qui fait que quand ça t'arrivait dans la tronche, c'était bien, ça marchait bien. Mais j'ai jamais testé non plus ça sur PC, mais il paraît que ça marchait pas trop mal. Mais encore une fois, c'était des écrans qui coûtaient un bras, quoi. Enfin, c'était compliqué. Donc, ouais. Et donc, comme tu l'as dit, sur le coup... Vu que la 3D, c'est ringard, ça marche pas, ça prend pas, personne n'en veut, Nintendo s'est dit, c'est le bon moment. Et donc, non, on rigole avec le recul, mais lorsque Nintendo a sorti sa 3DS, en vrai, Nintendo, il rigolait pas. Personne rigolait. Et en vrai, non, et alors, Nintendo avait un argument, et c'est pour ça que moi, j'ai vraiment été emballé par la 3DS. Ils avaient un argument que Sony et tous les autres n'avaient pas. Ils ont débarqué, ils ont dit, nous, on a la 3D, mais il n'y a pas de lunettes. Ouais, mais ça déjà, ça troulait. Tu te dis, mais comment c'est possible ? Moi, d'un point de vue, d'un point de vue marketing, là, c'était déjà vachement plus alléchant. Oui. Oui. Après, dans les faits, c'était autre chose. Ils ont mis 5 ou 6 ans à faire de la 3D, un truc qui marche vraiment correctement. Mais alors, c'est ça le problème, c'est que ce qui s'est passé littéralement avec la 3DS au départ, c'est un bad buzz. Oui. C'est-à-dire que les premiers acheteurs ont commencé à dire qu'ils pleuraient des larmes de sang. Bon, c'était pas vrai. C'est pas vrai, mais. On a commencé à parler de des gens qui avaient des maux de tête insoutenables quand ils jouaient à la 3DS. Bon, oui. Moi, ça n'a jamais été mon cas. Par contre, moi, ce que j'ai vu, et comme je pense que tout le monde était capable de le voir, c'est que si jamais tu avais le malheur de bouger ta tête légèrement de 2 cm vers la droite, tu perdais la 3D. C'est ça, exactement. Et jouer sans bouger comme ça, c'était pas très agréable. Bah surtout quand des jeux comme je sais pas, au hasard Ocarina of Time 3D te disent vas-y, vise avec l'arc en bougeant ta console avec le gyroscope et joue en 3D. Pour le coup, il y a pire. J'ai envie de dire nique ta mère, là, c'est bon. Nintendo, c'est un peu ceux qui ont perverti les esprits avec le motion gaming. Oui. Alors mais... pour le coup, tu sors un truc, voilà, juste après, alors que tu mets maintenant une manette dans les mains de n'importe quel gamin. Ils imaginent que même les manettes d'Atari sont, voilà, sont sensibles au mouvement. Ouais. Alors pour le coup, des fois, t'as des choses très drôles. Donc pour le coup, là, c'est très très très compliqué. Couplé donc un prix de vente lors de la sortie de la console qui était trop élevé. On sait tout ce qui s'est passé. La console a pas franchement très bien fonctionné. Nintendo a baissé le prix drastiquement. Les premiers acheteurs ont eu droit au programme ambassadeur, donc il leur a permis d'avoir 10 jeux NES, 10 jeux GBA gratuits en émulation, avec un son dégueulasse pour les jeux GBA, mais bon, on va pas pinailler. Hein. Surtout quand t'as un jeu du coup comme Yoshi's Island. La baisse de prix a relancé la machine. Ouais. Après, le fait d'offrir les jeux, Bah, c'est juste une manière de dire pardon, mais bon, c'était un petit moyen. C'était une excuse. Comme tu dis, voilà, peu de temps après, Nintendo est tellement confiant avec sa 3D qu'il sort la 2DS. Ouais. Bon, en vrai, la 2DS, c'est juste un placement produit Nintendo qui dit. On fait une console qui n'a pas de charnière et pas de 3D, comme ça les parents l'achètent pour les petits-enfants et il n'y a pas de souci. C'est ça, c'est pour ton gosse de 5 ans, là. Et ça marche très bien. Ça marche très bien, effectivement. La console a une solidité. Je pense que la 2DS est plus pertinente que ne l'a été la New 2DS, qui, elle, pour le coup... Elle enlève la feature. On va mettre la charnière, les gars. Là, c'est pour relancer les ventes d'une console. La 2DS, c'est le produit pour prolonger prolonger la vente de la console. Tu vois, en disant, on va vous faire une console. On a enlevé la 3D qui n'intéresse personne. Elle a le look de la 3DS classique, mais elle n'a pas la 3D, donc elle va coûter moins cher et tout. Et on va essayer de relancer des ventes encore un peu, grappiller les parts de marché qu'on n'a pas pris, quoi. Voilà. La 2DS, et il y a les connards comme moi qui rachètent les 2DS Pikachu ou autre, mais ça c'est encore un autre détail. C'est vrai que la New 3DS, la New 3DS a été un bon mouvement de la part de Nintendo. Voilà, c'était un peu évident, c'est-à-dire que avec leur système de tracking Dieu, la 3D devient enfin agréable. Alors oui, par contre, oui, ça faut le dire, avec la New 3DS, la 3D, elle marche plutôt bien, franchement. Qui d'ailleurs, le système de tracking des yeux et d'adaptation en temps réel est dû à une équipe française. Oui. La même qui s'est occupée d'ailleurs de l'émulation dans la NES Mini et la Super NES. Exactement, ouais. Et forcément, voilà, ça c'était la feature qui manquait depuis le départ. C'était peut-être... Ah, c'est mûr, voilà. Pour donner un exemple concret, moi, la 3DS, la première version de la 3DS, hein, j'y ai joué dans le train. C'est pas possible. Ouais. Tu peux pas. C'est impossible. Avec la New 3DS, par contre, là, ça marchait. Tu pouvais jouer en 3D dans le train. Donc, voilà. C'est mûr. La technologie est mûre maintenant. Mais... il y a eu des jeux qui ont exploité la 3D sur 3DS. Alors moi que j'ai fait vraiment, il y avait Mario déjà, le Mario 3D World. Mario 3D World. C'était pas Land. Land 3D Land. Land. 3D World c'est sûr. 3D Land marchait plutôt pas trop mal, ouais. Et le Zelda Link to the Past 2. Le Kid Icarus aussi, ouais. Non. Après Zing. Mais alors Kid Icarus, oui, ça faisait partie de ces jeux qui exploitait la 3D et qui en même temps aussi pointait du doigt une des lacunes de la console en te sortant Tout le monde se souvient de cette espèce de module où on rajoutait un deuxième stick, voilà, pour pouvoir jouer. Ah oui, non, oui, ça. Il y avait un trépied. Il y avait aussi un trépied pour qu'il y ait des carus parce qu'il fallait poser la console d'une certaine manière. Ouais. C'est particulier. Et en termes d'ergonomie, il y avait des choses qui étaient. Ça devenait bizarre. C'était quoi le 3D Circle Pad, ça s'appelait, non ? Oui, Mérovingien en parle. Les démos techniques fournies avec la console marchaient bien en 3D aussi. Chasser les têtes, le truc avec les machins qui sortaient de la table, là, avec les cartes VR, là. Enfin, ça marchait bien. La fameuse réalité augmentée, que, à part justement avec les trois trucs fournis avec la console, on se demande bien à quoi ça veut servir. Y en a dans Bravely Default aussi. D'accord. Ouais. Sony avait tenté aussi avec la Vita, la réalité augmentée. Il y avait un espèce de Pokémon sur Vita, la réalité augmentée, là, qui marchait bien, il paraît. Ah ouais, mais en réalité augmentée, moi j'avais le jeu sur PS3, là, le High Judgment, le jeu de cartes, c'était vraiment excellent à jouer. Je vous promets, c'était un Yu-Gi-Oh! Oui, mais ce que je veux dire, les tentatives de réalité augmentée ont quand même été assez anecdotiques dans le temps. Ça fonctionnait bien. Bref, c'était plus. C'était un passe-temps. C'était vraiment un passe-temps. Moi, j'avais passé des heures sur le jeu de cartes, quand même, à jouer avec des potes. Et donc, pour en arriver finalement à la vision moderne de la 3D et du relief, à savoir les casques de réalité virtuelle, puisque donc peu après que Sony soit rendu compte que personne ne s'intéressait à la 3D, sous la forme de rester devant son écran, il y a quand même une petite équipe qui s'appelait Oculus VR, qui à partir de 2012 a cru dur comme fer que la réalité, ça allait être le casque de réalité virtuelle, et a lancé son Kickstarter. Donc on connaît tous la suite, hein. Leur achat par Facebook, les différents prototypes pour ceux qui avaient la chance d'y toucher, ont pu tester en avance des démos techniques, puis certains premiers jeux. Donc voilà, l'idée de l'Oculus Rift et donc du HTC Vive et du PlayStation VR, c'est de non seulement proposer une vision en relief via ce coup-ci deux écrans, un pour chaque œil, et non plus des procédés. On n'a plus un seul écran devant les yeux comme c'est le cas pour. Finalement, la seule chose qui permettait d'avoir un écran pour chaque œil, c'était le Virtual Boy. Oui, vu que ça fonctionnait avec des lunettes. Voilà. Le principe de la 3DS est. En fait, c'est quasiment deux écrans imbriqués l'un dans l'autre, la console. Oui. Mais c'est pas. Voilà, c'est pas tout à fait ça. Mais effectivement, oui, là, on a vraiment un écran en face de son œil gauche, un écran en face de l'œil droite. Voilà, et ce qui change avec l'Oculus, la valeur ajoutée de l'Oculus Rift, évidemment, c'est tout ce qui est détection de mouvement de la tête. Le head tracking, ouais, très important. Voilà. Et c'est. Alors, déjà, on va faire simple. qui a un Oculus Rift ou un HTC Vive ici? Pas moi, je sais pas. Pas moi. Moi, je vais faire très simple, je n'ai pas testé la VR. Voilà. Moi non plus. Voilà. Et moi, j'ai eu la chance de tester l'Oculus Rift, la première version de l'Oculus Rift sur un salon. Et après, quand je voulais tester le HTC Vive et quand il était sorti sur un autre salon, c'était tellement la hype qu'il aurait fallu que je passe ma journée à attendre pour arriver à mon tour. Mais si, j'ai testé la VR, j'ai mon. Mais si, oui, enfin, aucun de ceux que tu as cités, mais vas-y, continue. Tu as ton Samsung Galaxy. Oui, j'ai. Un jour, mon chef, il arrive dans mon bureau, il fait tiens, on m'a filé ça, je te le file. Et c'était un prototype de chez Dell, de casque VR, en fait. Et il m'a fait tiens, je te le file pour ton portable. Oh. Tout très bien, je prends. Donc si, j'ai testé la VR, j'ai regardé des vidéos sur YouTube genre tu volais au-dessus d'une ville ou un truc comme ça, c'est comme un oiseau là. Ça marche bien, hein, ça marche super bien, c'est ouf, avec un portable et un casque de merde, ça marche bien. Mais on va pas se mentir, pour l'instant le principal problème, pour parler juste de la partie PC de l'Oculus Rift et HTC Vive, on le connaît, c'est que les casques sont très onéreux, qui nécessitent des PC très onéreux, parce que évidemment il n'y a pas de, de puissance en casque. Pour, y a pas de... ouais, pour jouer, ouais, faut. Voilà, faut pour jouer. En gros, il faut, faut pas se leurrer, il faut débourser 2000-2500 euros pour être bien tranquille, ouais. Pour pouvoir jouer à ces jeux. Je sais pas trop, mais il y a un autre truc qui pourrait me déranger, moi je pense, j'en sais rien, c'est que les écrans justement qui sont collés à nos yeux, ils sont en résolution, en, je vais dire assez basse par rapport au fait qu'ils sont collés à nos yeux. Moi j'ai peur de voir les pixels en fait. Ben c'est là qu'intervient la puissance, c'est-à-dire que sur PC ça va, il n'y a pas de c'est les écrans comment c'est quoi la résolution du de l'Oculus Rift, je viens de voir, c'est du 2000, enfin 1080 par 1200 par œil. Ça va. Enfin, je veux dire, c'est relativement fin. Ce qui va faire la différence, c'est justement la puissance du PC derrière, qui va être capable d'envoyer des images suffisamment fines et de calculer deux images différentes. Justement, c'est pour ça qu'il faut une carte graphique très puissante. Mais alors, d'accord. Et en termes de fluidité aussi, je pense que ça doit être très important. Le nombre et de, la fluidité, les fameux FPS, justement. Pour éviter la prochaine motion sickness, ouais. C'est minimum 60 Hz, voire 90 à l'idéal. Oh, okay, 90 ouais. FPS. Bah, c'est bien. Et l'idée, c'est qu'on demande à un PC oui, de calculer en temps réel, en même temps, deux images à une fréquence élevée sans dropper des frames. Ouais, c'est assez vénère. Mais donc, il faut du coup, parce que Luce, il en parle. Oui. Le PSVR. Et donc, sur le coup, Sony s'est dit, vu que sur PC, c'est la mode des casques réalité virtuelle, on va sortir le nôtre sur PS4. Donc, le fameux PSVR qui est, ne nous mentons pas, une version quand même low cost de ce qu'est un casque de réalité virtuelle. Et, enfin, je veux dire, l'ensemble, la PS4. Après, ça coûte deux fois moins cher. Voilà. Donc, alors le problème, c'est, et c'est là que qu'on va devoir commencer à se battre avec chère petite pelle, c'est-à-dire que. Bon, voilà. Non, je ne veux pas me battre ce soir, je suis fatigué. Pas ce soir, chérie. Le PSVR, moi j'ai testé personnellement la PS4. N'a pas assez de puissance pour fournir deux images d'une qualité suffisante. Ah, mais la PS4 Pro, maintenant. J'ai pas testé avec la PS4 Pro. J'allais te le dire. Et je veux dire par là, c'était de la géométrie et des textures d'un niveau PS2, avec en plus un aliasing à vous déchirer la rétine. Mais vraiment. Et ça m'a vraiment... pourri l'expérience, c'était pas agréable. Je trouvais vraiment techniquement trop limité. Alors que, bah forcément, t'as un casque sur les oreilles, t'as les écrans devant les yeux, t'as le head tracking. C'est forcément immersif, c'est obligé. Mais je trouve que malheureusement, c'était un peu prématuré de la part de Sony. Malgré le, enfin après il y a des bonnes idées. C'est pas, je veux pas dire que c'est atroce. Ce que je veux dire c'est que les trucs que j'ai vus, j'ai vraiment l'impression de, d'avoir vu d'être venu à des graphismes PS2 juste pour pouvoir justement tourner à une fréquence suffisante. Et on l'a vu sur des jeux comme Drive Club, par exemple, où la comparaison entre le jeu version VR et le jeu normal était absolument dramatique. Mais oui, après, il y a des jeux qui s'en sortent mieux que d'autres, bien évidemment, heureusement. J'ai envie de dire, sinon je pense qu'ils n'en auraient pas vendu autant. Je pense que Resident Evil 7, par exemple, doit être bien plus agréable à jouer au PSVR. J'ai entendu du bien de Eve Valkyrie aussi, moi. Voilà, F Bashkiri. Ouais. Après, il paraît qu'il y a un petit jeu qui vient de sortir avec une souris là, qui serait. Ah oui, Mos Diouf. Merci. Ouais, Mos m'a l'air vraiment sympathique, moi. Après, j'ai pas joué, comme j'ai pas de PSVR ni rien, mais ouais, ça a l'air sympathique, mais très court. Ah, comme de toute façon, maintenant ils parlent même plus de jeux VR, ils parlent d'expérience VR. C'est... Encore les jeux en page, tiens, je parle de marketing sur le chat. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Hein. Ah bah par là, tu vois, pour me dire non. Après, il y a, comme j'ai dit, il y a. Allumettes. Il y a des bonnes choses avec le PSVR. Il y a notamment le fait que le casque est de bonne qualité. C'est-à-dire, il a beau être pas trop cher. Il est de bonne qualité, il tient très bien sur la tête. Trop bien, même au point que si vous transpirez, je vous garantis que vous allez avoir sacrément chaud en dessous. Mais on n'a pas peur, voilà, on n'a vraiment pas peur qu'il tombe. Le truc est. Enfin, c'est un bon produit. Pour le tarif auquel il est vendu, ça reste quelque chose qui. Enfin, moi, j'ai été surpris au départ, je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus cheap. Mais Sony a quand même pas mal fait des choses. Non, le problème, voilà, c'est la résolution des écrans et la puissance qu'il y a derrière pour justement arriver à générer des images qui sont vraiment. Donc, t'as vraiment dit cheap. Oui. D'accord. Cheap. Pourquoi ? Pas cher. Oui, pas oui. Cher, oh, ouais, d'accord. Bonne prononciation bien de chez nous. Cheap. C'est cheap. Chip and Dale. Non, non, je me fous de ta gueule, hein, c'est bon, vas-y, continue. Il n'y a rien à... Et donc, non, mais sur le coup, donc personne, enfin, à part Pelle et moi, personne n'a testé... Ben non, j'ai jamais eu l'occasion, et puis... J'ai fait 10 minutes, donc pour le coup, tu veux pas te faire un avis en 10 minutes, quoi. Bah moi, non, parce que surtout que j'en ai pas envie et que ça m'intéresse pas. À oui, partir c'est pas mal comme, comme argument. Finalement... Ah non, moi je fais partie des gens qui trouvent que la VR c'est un gadget quoi. Donc à partir de là, ouais, ça m'intéresse pas. Avoir un casque sur la tête pour jouer, je trouve que ça m'emmerde. Donc après pour moi la question elle est réglée. Et donc, toi Pelle, en comparaison, tu penses que toi t'as vécu des expériences qui te convainc et que tu as envie de conseiller aux gens de PSVR. Il a acquis sa PS4. Et... Moi, je trouve ça carrément génial. Je suis absolument pas d'accord avec ce que vous dites. Vous dites de la merde depuis une demi-heure, là. C'est quand la dernière fois que tu as joué avec le tien? Il faut se rappeler quand est-ce que j'ai rallumé la console. Hein. C'est comme pour tout, je veux dire. Moi, j'ai pas le temps de jouer. Donc... Voilà. Non, mais Pelle, il a acquis sa PS4. Il ne sait pas nous dire, il a acquis la PS4, il regarde du porno en VR. C'est pour ça qu'il aime bien. je crois que c'est l'une des utilités les plus appréciées par les gens. Hein. Mais sans déconner, de tous les avis que j'ai entendus, les gens disent tous « Ah putain, le porno, c'est un truc de fou. » En fait, ils n'ont pas compris. Ils devraient vendre juste avec ça. Quoi. Ah bah, je suis sûr qu'il y en a qui ont acheté que pour ça. Hein. Donc, je vois Mérovingien qui pose une question à Los qui est intéressante. En effet, tu branches directement le casque, soit la paire d'écouteurs merdiques fournie, soit un vrai casque directement sur ton PSVR et c'est sa boîte de la stéréo. Oui, il y a quand même une spatialisation virtuelle entre guillemets. Et on peut pas utiliser. Il faut vraiment utiliser le casque pour jouer à des jeux 3D. Voilà. Le seul problème casque que j'ai rencontré personnellement, je le dis, j'ai deux casques. Ben, j'ai le même casque que toi, moi, le AKG semi-fermé et mon AKG ouvert. Le problème, c'est qu'ils ont des impédances tellement élevées que même le son à fond, vous n'allez pas vous péter les oreilles. Bah, c'est que c'est des casques Wi-Fi, ça. Donc, ouais, vaut mieux éviter pour des dispositifs, on va dire. J'avais joué de toute façon au casque PSVR, donc je l'ai, quoi, mais avec le casque Sony officiel, évidemment. Leur casque Bluetooth là ou... Alors attends, comment il s'appelle celui-là ? Donc je prends la boîte. Marise. Je prends la boîte et j'enlève la couche de poussière qu'il y a dessus pour pouvoir. C'est le truc officiel, le wireless headset. Ouais, il est pas dégueu ce casque. Hein. Il est pas dégueu. Il est excellent parce qu'il a un son mais super. Je veux dire, c'est con, mais super limpide, pur et tout. C'est juste fou, quoi. Par contre, ce que je veux dire, c'est quand tu joues avec ça, avec un casque VR. t'es ailleurs. Hein. Ah bah c'est, oui. C'est, je veux dire, non mais c'est troublant, parce que moi j'avais jamais testé de casque VR avant ça. Quoi. Ouais, t'es complètement immergé dans un autre truc, hein. Faut être prêt à ça. Parce que là, c'est plus du tout dans le côté gadget, justement. C'est une immersion, mais un truc de fou. Hein. C'est juste spectaculaire. Quoi. Enfin, moi, j'ai vécu un truc carrément dingue avec ça. Voilà. Mais c'est super important, le son, hein, pour être immergé. Ouais. Et quand tu disais, justement, que F-Valkyrie Moa avait l'air intéressant, c'est le premier jeu que j'ai acheté avec, justement. D'accord. Et quand tu fais un looping, t'en prends plein la gueule, hein. C'est juste incroyable. C'est des sensations comme quand tu prends un ascenseur, mais multiplié par 10, il t'injecte ça dans le cerveau. Quoi. Tu vois, c'est juste fou. Quoi, quoi? Qu'est-ce qui se passe? Non, j'essaie de comprendre ce que tu injectes dans le cerveau. L'adrénaline pure, en seringue. Non, mais franchement, c'est vraiment incroyable, hein, les sensations que ça donne. C'est ah, je vois des choses qui se disent sur le chat. Sachez qu'avec un casque sur les oreilles, avoir un casque stéréo de très bonne qualité va procurer une spatialisation qui est du niveau d'une installation 5.1 ou autre. Hein. Vous avez le casque sur les oreilles, ça joue avec les phases et tout le bazar. En termes de spatialisation, ça va. C'est pas comme si vous aviez... un gros caca auditif, quoi. Voilà, oui. Enfin, vous avez que deux oreilles, de toute façon. Donc... Ah bon? Mais non, mais on peut... Mais si. Non, mais c'est toujours pareil. Une bonne stéréo vaut mieux qu'une spatialisation pas terrible. C'est vraiment... Voilà, vaut mieux un bon casque stéréo qu'un casque 5.1, mais merdique, voire pire, un casque 5.1 émulé, quoi. Enfin, tu vois, ça... Et justement, Sony a prévu de ressortir assez bientôt là, une nouvelle version de ce casque-là. Justement pour qu'ils puissent mieux épouser les formes du PSVR, en fait. Voilà. Ouais, c'est ça dont j'avais entendu parler. Oui. Okay, mais même s'il est tout à fait acceptable dans l'état qu'il est. Déjà. Marovingien, si. Un casque stéréo rivalise avec un 5.1. Pas de problème. Après, ça dépend du casque que tu as aussi. Ça dépend du casque. Ça dépend du 5.1 que tu as aussi. C'est un gros débit donc, du son hein, qui parle là, c'est le moi geek là qui parle. Là. Et donc le truc c'est que ben, la 3D, j'ai envie de dire pour conclure, est-ce que c'est pas juste une espèce de mode qui tel le reflux démarré se répète inlassablement, comme le disait la vraie intro originale de Secret of Mana? Alors moi je peux comprendre qu'on se dise ça, mais moi je le pense pas du tout. Et j'ai jamais été à fond de tout ce qui est gadget justement et tout ça. Ah mais on va le commenter le ND. Parce que là, la différence, c'est que ça j'y tiens énormément, c'est que ça change absolument pas le gameplay en réalité, et que ça fait que décupler une immersion. Et c'est, à mon sens, c'est justement tout ce que je pense que c'est la finalité du jeu vidéo, quoi. Réellement. Et à mon avis, ça disparaîtra pas. Mais absolument pas. T'en fais pas, Loss, le Nintendo Direct commence dans 2 minutes, non, on a le peut-être... Twitch qui est ouvert et on va en parler. Ah, il a peut-être envie de regarder tranquille dans son coin. Hein. Je préfère Vanilla, très bien, parfait. Oh là là, il a raison, hein. Moi aussi je préfère Vanilla, je me casse. Hein. et donc, ouais, voilà, mais le truc c'est que pour l'instant, les vrais casques de réalité virtuelle, comme on a dit, ça reste encore très onéreux. Le problème c'est que... c'était très onéreux quand c'est sorti, déjà il y a 2 ans, le Vive et l'Oculus Rift. Les prix ne baissent pas, le marché n'est pas très dynamique. À l'heure actuelle, je rappelle que ils considèrent que moins de 0,2% des joueurs sur Steam ont un casque de réalité virtuelle. Ça, le problème, c'est que si ça prend pas, eh ben, les gens vont se désintéresser. Et s'il n'y a pas d'enjeux commerciaux derrière... Si ça prend pas, ça prend pas, c'est ouf. Voilà. Mais après, ce qu'il faudrait savoir aussi, c'est qu'on a déjà parlé, c'est les gens sur PS4 qui ont un casque PSVR, est-ce qu'ils y jouent quotidiennement? Quelle est la dernière fois qu'ils ont joué? Une PS4, on peut s'en servir pour regarder Netflix, on s'en sert régulièrement. Le casque, c'est plus compliqué, parce qu'il faut du temps, il faut de l'espace aussi. Il faut, voilà, quoi. Il y a un minimum de setup à faire. Oui, voilà, mais c'est pour ça que ça se dit pas tous les jours. Il faut des jeux aussi. Et il faut des jeux, oui. Il faut des jeux. Et actuellement, c'est un peu le calme plat. Les choses vraiment très intéressantes qui sortent, il n'y en a pas des masses. Bah là, il y a Moss hein, qui a fait l'unanimité hein, sur le net. Mmh. Bon, mais c'est une expérience qui est vendue 30 ou 40 euros et qui est assez courte. Juste pour qu'on se cale, les gens, on est tous sur le Twitch de Nintendo FR. Moi, j'ai un truc qui va commencer dans 22 secondes. Et moi, je peux pas allumer. Là, je suis là, il y a marqué 3, 2. Ah, alors, bah moi, c'est dans 0. 15 secondes. On est parti. Et je vous ai mis le lien dans le chat. Pop, ouais, ouais. C'est parti. Peggy, la cochonne, 18. Ah bon, bah moi je vais avoir du décalage parce que. Alors attendez. Mais tu donc, peux cliquer sur mon lien si tu veux. Non, parce que j'ai fait un truc. Voilà, j'ai fait ça. Peggy 18. Alors, on joue au loto, alors... qu'est-ce qu'ils vont annoncer? Un casque VR pour rester dans l'actualité. Tu sais que c'est dans le code de la Switch apparemment. Hein. Il a beaucoup d'informations à nous communiquer. Alors là, je vous le dis, les gars, il va y avoir beaucoup d'informations. Sur 3DS, commençons par une nouveauté 3DS. Ça y est, on commence à rien. WarioWare Nintendo Glot. Switch. Nintendo Switch. Ah ben, mais attendez, hein, vous avez 15 secondes d'avance sur les jeux. Je préfère préciser. DDS no headline des. J'avais fait un truc. Et le mini jeu du doigt d'angle, j'adore. Biggest collection in this micro game. J'ai pas besoin de Wario pour le faire. Oui, bon. Enfin, c'est moins crap dans un jeu. Oui, effectivement. Surtout si t'as un rhume. Which means there's a new way to play Wario. Strangely, ah oui, c'est vrai qu'on va avoir du décalage avec le chat. With classics and new additions, there are 300 microgames to enjoy, making this the biggest entry in the series. Remettre les mini-jeux qu'il y avait dans le WarioWare exclusif de la GBA qui est sorti qu'au Japon et aux États-Unis. Use the touchscreen and microphone. Only Wario can come up with this mini control scheme. Think fast. What playstyle is required for this one? Better figure it out. J'ai pas crazy action. Ouf, mais en même temps, il y a rien d'étonnant. Hein. C'est une série qu'ils aiment bien, donc. This is the most jam-packed game in the series yet. Just look at that face. Qu'est-ce que c'est ça? Mais je sais pas, mais il fait un retour, ça veut dire qu'il existait déjà apparemment. Peut-être sorti qu'au Japon et pour le. Pulse pounding races and battles await Dylan and your me. Ah, un jeu 3DS qui. Race down enemy Groks and rock the battle to defend Dylan, frontier villages. Dylan, yes, sir. Action meets tower defense in Dylan's Dead Heat Breakers. Ah, cela dit, WarioWare, bon, c'est pas très cher à faire à Nintendo, mais un petit WarioWare avec 300 jeux, ouais, ça peut être marrant. Moi, j'aime bien la série. Je pense le prendre. Mais c'est quoi ce jeu? C'est un jeu de course, c'est un jeu de transforming monsters. Ouais, je sais pas. Who or what will you and Dylan get tangled up with? Never mind that. There's an enemy invasion to stop. And a frontier in desperate need of some heroes. Ah, il y a un jeu pour toi encore. Dylan's Dead Heat Breakers rolls out on May 25th in stores and on Nintendo eShop. Totalement, Mario Luigi. Are the brothers and Bowser still better together? Bah, ils ont fait un remake, fallait bien qu'ils en fassent un autre. Hein. Classic Mario and Luigi, Bowser's Inside Story is back. Et encore que celui-là est très alors, bon. Mario and Luigi have been tasked with finding a cure for the Blorbs, a disease threatening all life in the Mushroom Kingdom. Pourquoi ils ont pas fait un remake du but, thanks to Fawful, both brothers have been devoured by Bowser. And so, their journey takes them deep into the belly of the beast, leaving Bowser to scour the kingdom for the cure. Bah en fait, je pense qu'il y a les deux avec. C'était marqué les deux jeux, il me semble. Non, l'épopée de Bowser Jr., c'est pas le 2. Hein. Ah oui, oui, c'est pas... Ah oui, j'avais pas vu. Ouais. Non, il y a que le 3. Donc, ouais, peut-être. And... Ah, ils aiment pas le 2. Looks like his boy wants in on the action. Find out what happens by seeing the untold story of Bowser Jr. When Mario and Luigi, Bowser's Inside Story plus Bowser's Fury launches in 2019. Mais non, mais je comprends pas pourquoi pas le scoop, un détachement de Pikachu, plus un new amiibo. Pourquoi pas le dire? Something about this Pikachu is a little different. Mais il y a encore des gens qui achètent des amiibo, c'est encore à la mode. Oui, oui. Ah oui, mais ça se vend très très bien. Attends qu'ils annoncent Smash Bros après, tu peux voir. Et nous rééditons tous les amiibo avec des nouvelles boîtes. Pokémon usually live in harmony. Alors, attendez, je tente un truc sur le layout. But recently, c'est parti. Pokémon have been. Je m'en remets toujours pas de voir Pikachu parler, moi. So there's a fake out. Luckily, a boy named Tim and Detective Pikachu are on the case. Ça a l'air super bizarre comme jeu en plus. Quick attack! Non, nous ne manquons pas la figurine géante de 13 cm, ne vous en faites pas. Shortly after the game for pre-purchase on Nintendo What? Alors ça par contre, oh merde, c'est quoi, c'est un nouveau? Non, c'est le remake du premier. Cube Classic. J'ai envie de le refaire en plus. Et pour le coup, on n'a pas parlé, mais il me semble que dans le premier Luigi's Mansion sur GameCube, il y avait de la... apparemment dans le code de la 3D. Vous savez que j'ai jamais joué en fait. Pourquoi ils le font sur 3DS? Parce que il y a déjà le 2 qui est sorti sur 3DS. Ils ont une Switch. Et par contre, les rumeurs parlaient d'une map Luigi's Mansion sur Mario Odyssey, ouais. Mais il y avait bien des Luigi's Mansion quelque part, et il y a bien des gens qui ont eu des infos. Hein. Et encore un remake pour Nintendo 3DS, ouais, malheureusement. Cette année. Bon, ben, bah, c'est en même temps la 3DS l'année prochaine. Nintendo 3DS headlines. Oui, merci. La 3DS, on sent qu'elle est en fin de vie quand même. Ouais, la 3DS, c'est du remake quand même. C'est le champ du signe. Hein. Kirby can even make friends. Vas-y, les autres nouveautés là. Oh non. Kirby Star Allies finally launches next week. Encore? As you fight through your adventure, you'll reach Dream Palaces where, surprise, even fan favorite legacy characters can become Kirby's friends. Well, dream friends anyway. When you're saving the world, it's nice to have some heavy hitters on your side, even the likes of King Dedede, Meta Knight, and Bandana Waddle Dee. Ça intéresse quelqu'un parmi vous? Non, j'ai fait la démo. More Dream Friends will be added to the game via free updates after launch. The first update will change the demo super quick. J'attendais en vrai qu'un... Qu'est-ce que c'est? Ah oui, non, c'est un personnage de Final Fantasy. And oui, c'est un peu le problème de beaucoup de jeux Kirby en fait, où c'est un peu. It's like a dream come true to bring this ragtag crew of characters together. Ouais, je sais pas, c'est Kirby series. Kirby's launches on Nintendo Switch. Mais c'est jamais des jeux désagréables à jouer. The first free update will be available March 28th. Oh yeah, a quick reminder. A free demo is available now in Nintendo eShop on Nintendo Switch. What else are friends for? Attends, je passais tout au-dessus là, je vais mettre les autres sur le truc. An Epic Tale returns with new artistic touches. Okami? Okami, the grand adventure in classical Japanese style rises again in the HD version. To save the land from a terrible curse, the legendary Okami, Amaterasu, was resurrected. Setting off on a quest, the wandering artist Kisu, overcome challenges using the power of the gods, the celestial brush. With mere brush strokes, you can make a variety of miracles come to fruition. In the Nintendo's Switch version, use touchscreen control in handheld, or use the Joy-Con controller's motion controls in TV mode or tabletop. Both methods offer an intuitive way to solve puzzles and defeat your foes. Meet an eclectic cast, solve mysteries, and slay countless monsters to discover what awaits at your journey's end. C'est dingue. Okami HD launches on Switch. Il n'avait pas été réédité sur Wii U, je pense. Bon, pour... Attends, non. Attends, il vient d'être réédité sur PS4 et Nintendo Switch. An adventure ce jeu, je le vois. Alors moi, ça, c'est Day One, mais ça, c'est pas un, c'est un jeu, ça devait être Sushi. Ça, ça devait être 3DS, normalement. The story takes place after the bitter Sushi struggle. Il est jouable quand solo. In a world where Sushi is forbidden, Musashi must wage all out conveyor belt Sushi battles to defeat. Oh, je pense qu'il y aura du multi, c'est impossible qu'ils mettent un solo pour ce genre de jeu. Ah, c'est Et ben, vas-y, ça, je le prends direct. Mix up your strategy. Enfin, moi, alors, attention. If you manage to pull off a special move created by one of your sushi sprites, ouais, non, mais c'est pas, s'il y a pas de versus, c'est qu'il y a un problème. Of course, there's a multiplayer mode too. Voilà. Battling fellow sushi strikers online. Attention, mais multi, est-ce que c'est console-console ou... Sushi Strike console. Donc ça, c'est du cart ou c'est du téléchargement exclusif? Normalement, c'est du cart, c'est de la cartouche, parce que comme je disais, il devait être prévu sur 3DS et puis ils se sont dit, tiens, on va le mettre sur Switch aussi. Square Enix. Aïe, on va enfin avoir le nom du jeu. Je c'est quoi Octopath Traveler? Ouais. 3つお持ちしました。まずは新たな2人の主人公のご紹介です。 Bon, ils ont changé une partie du jeu parce que les gens ils sont pleins. ce qui est beaucoup à la mode en 2018. pour virer des trucs ou les modifier. Le field command est title. Les gens qui ont des différents items peuvent obtenir des choses. C'est pas moche du tout. J'aime bien moi, le jeu, j'ai bien aimé le système de combat du jeu et tout en plus. J'aime beaucoup sur les décors, l'effet de flou comme dans 3D Dot Game. Oui, exactement, ouais. Par contre, j'aurais peut-être dû faire ça. Attendez, parce que. Je pense que sinon, on va se faire déglinguer. Ah, merde. C'est une connerie là. Faudra que tu coupes la BOD. Oui, mais si tu touches. Et puis, même YouTube d'ailleurs aussi. さらには本作で使用するコインのレプリカなどが入っていますので、ぜひお楽しみに。 Okay. 特別版は通常版と同時発売を予定しています。 Là, il y a Léa, elle s'est retournée. Le diorama, c'est rigolo. Léa, elle s'est retournée avec un grand sourire. Après, c'est du Square. Combien de prix que j'achète, elle savait. Game soundtracks will also be available to purchase digitally at a later date. Elle sait ce que j'achète. Bah, j'achète tout en même temps, donc c'est sûr. What happens when an otaku assassin enters the game world? Ah super, on peut acheter la base. Attendez-vous, ça va. Respire-moi, ça va. Ah putain, un vrai jeu enfin. Apparemment. Oh putain. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Different game titles. With his beam katana in hand, he vows to exterminate every last. Pourquoi ils ont transformé ça en jeu de merde? Je suis pas content là. Je suis blasé. Non mais c'est pas bien, c'est non mais. Moi à voir. Creatively combine your moves to crush them. Mais non, pas à voir. Pass a Joy-Con controller to a friend for co-op multiplayer. Ça manque de. Partner up with the one and only Batman. Ça manque de tout. You mentioned the adventure mode, which tells a new story. Travis strikes again. No more heroes. Launches exclusively on Nintendo Switch in 2018. Oh non. Cette année encore. In Dark Souls, every challenge is an opportunity. Je pense que personne s'attendait à ça en fait. Hein. Un amiibo. Dark Souls. Un amiibo. Rot with despair and hope. Putain, un amiibo quoi? Mais attendez, pourquoi vous êtes en avance sur moi alors que je suis sur Twitch là? Je sais pas. Moi je suis obligé de refresh en permanence parce que ça, je prends du retard, ça buff. J'ai aucun buffer ni rien et... Amiibo et Dark Souls, je suis pas sûr que ça va être très bien ensemble. On a juste vu le... On a pas vu l'encore la tête. Si ce sera votre Dark Souls experience. Welcome to a brave new world. Ah d'accord, ok, donc si, donc j'ai juste pas dû voir l'info en fait. Ok. Donc un amiibo d'Arc. Separately, the Solaris. Ah bah si, voilà. Il y en a même deux apparemment. You can perform the popular praise the sun gesture with reckless abandon. Ah puis ils ont sorti par contre. Si, non, mais ils ont totalement raison. Ils ont totalement raison sur cet amiibo. Oui. Ils ont eu totalement raison. C'est trop con. Qu'est-ce qu'on en pense jusque-là? Moi, c'est bof. Allez, lâche tes trucs. Alors, tes points My Nintendo, tu peux te les garder parce que gagner 1,44€ après avoir acheté 10 jeux sur la Switch va bien te faire foutre. Voilà. En plus, ils sont limités dans le temps, c'est un an, non? Ouais. Non, c'est deux ans, non? Quand tu vois quand même le downgrade de l'époque du club Nintendo sur la. Ah, oui, Mario Tennis Ace ni spotlight ah, Mario Tennis, ça, ça m'intéresse. J'ai cru qu'en plus, maintenant, c'était Kaamelott qui le faisait, pour de vrai. Ça y est, ils le refont. Bah, apparemment, c'est Kaamelott qui est derrière celui-là. J'ai regardé le trailer, il y a quelques ça peut être bien. En fait, selon la couleur de la balle, tu sais à peu près, d'après ce que j'ai pu voir dans le trailer, ce que l'adversaire m'a envoyé. There are more than 15 playable characters. Est-ce que bébé Mario sera toujours aussi craqué? Il a pas l'air d'être là. Non mais chompe avec une raquette. C'est bon. N'importe quoi. Amiibo chompe avec une raquette. Je colle. Attention. Non, pour le coup, je joue le perso, mais l'Amiibo, non, pas les coups. L'Amiibo, ça serait rigolo. Mais bon, enfin, moi, le jeu, je pense que ça sera des vannes. Bah honnêtement, on n'a pas de choix pour Amiibo encore. Ouais. Oh. Le Waluigi, il est craqué comme ça. Oh, le terrain en herbe, il est magnifique. Introducing the all-new Zone Shot. Ah, la frappe instinct, Dragon Ball Super, attention. It lets you pinpoint any spot you want to aim at using motion controls and send the ball crashing. Oula, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ils ont fait ça? Qu'est-ce que... Pourquoi? Enfin, à voir après la façon dont la mécanique elle a fait. Tu ta raquette par contre. Attends, mais non, mais Zelda, ça suffit hein, qu'avec tes armes qui se détruisent. Non, mais je pense qu'au bout d'un moment, quand tu veux te remettre de coups spéciaux dans un jeu de tennis, c'est Prince of Tennis Mario, quoi. Ouais. Est-ce qu'il y a des éléphants qui vont traverser le terrain? Ok, donc il y a la possibilité de bloquer pour empêcher que ta raquette elle prenne des dégâts. D'accord. Ouais, c'est question de timing. D'accord, bah, pour le coup, pourquoi pas. A voir comment ça va à planter dans le jeu. Ah, zone speed, cool. Ok, donc pour le coup, pour contrer la mécanique frappe instinct, t'as la mécanique course instinct. Ça a du sens. Ils ont l'air d'avoir quand même pensé leur truc, hein. Mais c'est juste histoire de motion control là où j'étais pas. Voilà ça là. Ouais, mais pour le coup, ça. Ça va être fun, ouais. J'ai bien l'impression que c'est cool. Ouais, ça a l'air assez nerveux quand même. Enfin, assez arcade, j'aime bien. Avoir le motion gaming, Bah, j'espère que non, pas le motion gaming. Bah si, non, il la frappe instinct. Non, je pense pas que c'est du motion gaming. La frappe instinct, c'est le motion gaming, c'est ce qu'il va faire. Ah oui, elle a dit qu'il fallait viser sur l'écran. Ouais. Ok, donc peut-être qu'il y a un moyen de faire autrement. You may waste your energy or lose a point. Vous avez vu, ouais, les coups sont inévitables en fonction de l'énergie que t'as, qui sont remplis en fonction des échanges. Ouais. Ok, donc il y a l'air d'avoir en tout cas une volonté de renouveler le gameplay. Grave. Bah, en même temps, l'épisode de la Wii U, il était pas fou. Ah, il s'était fait défoncer par. Oula, alors là, attention. Oh, cette praline. Mario Tennis, Crosswind Jammers, en fait. Non, non, mais c'est Prince of Tennis, en fait. Hein. Allez, annoncez-nous un nouveau Punch-Out, et puis comme ça, je peux vous en direct. Ah ouais, Mario, top tier, comme d'habitude. Mais le terrain en herbe... Ah oui, je trouve magnifique. Ah, il est super, j'avoue. Ou utilisez-le pour une défensive zone speed. Let's say you go for the zone shot. Will you go for a surefire point, or will you try to destroy your opponent's racket and run the risk of getting blocked? Ah, du coup, oui, ok, d'accord. Non-stop, split-second strategy. Pour le coup, t'as vraiment une dimension tactique en fait à la frappe instinct. Intéressant. Parce que là, ouais, celui-là avec l'herbe il est magnifique, là, le gazon tondu. Once you connect pas mal. Online, ouais, non, mais l'herbe le social en herbe du tout, vraiment. Et on va pouvoir jouer en multijoueur. On va faire des doubles, waouh! C'est cool. De toute façon, ils ont intérêt de mettre la max sur le online. Hein. Matchmaking is based on your si après, payant, le truc, ce serait bien aussi de pouvoir jouer sur la télé uniquement à 4. You can get special outfits or even additional characters. Oh non, des événements pour obtenir des trucs spéciaux. Oh non, je suis pas bien. Non, c'est cool. Oh non, je suis pas bien. À Nintendo, ils apprennent des meilleurs. Hein. Une raquette Joy-Con. Slice. Un mode réaliste. Ils appellent ça réaliste en plus. Non, merci, madame. Honnêtement, je pense qu'une fois de temps en temps, ça peut être rigolo. Comme Wii Tennis, hein. Tu y joue une fois de temps en temps. Enfin, ouais, enfin, c'était un peu le jeu gimmick de la. Voilà, c'est ça. Tu passes pas ta vie sur ce mode-là. Le terrain dans le sable est rigolo. Celui en pierre aussi. Ah, il est bien le terrain. En brique avec l'herbe, il faut qu'il déchire. Ah, le mode aventure. Ouais, ça m'intéresse, moi. Non, je suis ambiancé, j'avoue. Ça a l'air d'être pas mal. Ouais. Mario Tennis. Avec la fleur entre les mains. 22 juin. Ok. Quoi. On a vu la même chose. Ah, la vivo. As we approach the game's launch, we decided to hold a pre-launch online tournament. That way, you can try out Mario Tennis Aces for yourself. Oui, bon, les events, ouais, we'll announce the details at a later date, so please stay tuned. D'accord. Ok. Donc en gros, on a l'info, mais on va pas vous la donner tout de suite. Merci. Le charisme de cet homme est quand même assez. Comment ils l'ont bien vendu leur truc après Nintendo Switch no headline des. Qui l'ont bien vendu? Oui, non, je pense que je. Captain Toad is ready to explore other systems. Attendez, je suis en retard sur le jeu. En fait, une adaptation de Treasure Track, encore un remake. Non, mais non, mais non, arrêtez. Mais non, c'est pas vous pouvez croire que c'est pas un remake, hein. C'est pas un remake. Ah si, c'est un remake. Treasure Tracker, c'était sur Wii U, hein. Mais alors... Je me rappelle pas de ça sur Wii U. Non, non, c'est en nouveau. Ah, des niveaux de Super Mario. Non, alors attends, parce que les précédents niveaux, moi je les ai déjà faits, hein. Par contre, celui-là, je l'ai pas fait. Bah oui, il y a des nouveaux. Bon, ok, d'accord, c'est un semi-remake. Non, mais faut chier à faire un semi-remake. Le problème, c'est que vu qu'il y a des nouveaux niveaux, je suis obligé de l'acheter parce que moi, Captain Toad, je me suis bien amusé aussi. Captain Toad, the other can assist with things like turnip cover fire, so you can enjoy tracking treasure together. Bah après, ouais, comme dit Mérovingien, moi je l'ai déjà sur Wii U, effectivement, j'ai même s'il y a des nouveaux niveaux, j'ai pas envie. Touch screen controls. Si j'ai Switch, je peux le racheter, quoi. Je l'ai fait à 100% sur Wii U, hein. Captain Toad, Treasure Tracker launches July 13th. Avec la fameuse épreuve finale là où j'en ai bien chié d'ailleurs, mais. Hey, who turned out the lights? Attention, qu'est-ce que ça veut dire? Oh putain! Non. Non. Un Luigi's Mansion? Non, c'est Undertale. Non. C'est Undertale. Oh. Bon, bah, je sais pas, c'est pas pour moi alors. Hein. Ouais. Undertale. Amiibo Undertale. Oh! Non, ne dis pas ça, Bion, on va défaillir là. Des jeux de mots de merde. Sortir un jour, d'accord. Jouer à Undertale. Icon bon bah oui, ça crache, on savait ça. The impossible isn't possible until it happens. Attention, ouais, c'est quoi, c'est un remake? Ah bah ouais, c'est le Nintendo for the very first time. Spin, jump, and womp. Mais attendez, parce que j'avais peur qu'il soit dégueulasse, mais and his sister c'est pas dégueulasse ce qu'on voit là. Ça va cinématiques to the animations. Non, mais comme d'habitude, faudra voir avec les images vraiment du jeu. C'est ça. Mais, Après, pour le coup, moi qui n'ai pas encore fait la Ancient Trilogy sur PS4, bon. Ouais, faut voir. Ah, mais pour quelqu'un qui a fait que les consoles Nintendo et qui a... Oui, c'est bien. Enfin, c'est bien qu'il sorte sur Switch aussi. Hein. Ouais, pourquoi pas. Pour le coup, je suis pas aussi négatif que d'habitude. Believe it or not, bah, ils sont jamais sortis sur la console Nintendo. De toute façon, on m'a encore réclamé la semaine. Est-ce que ça va sortir un jour sur Little Nightmares is almost here. Je le ferai peut-être. From award-winning independent developer Tarsier Studios comes a charmingly horrific adventure. Ça va sortir sur d'autres consoles. Ok. C'est un jeu d'horreur. C'est un jeu pour Colette. Ça. Ouais, ça rappelle un peu le Limbo. C'est ouais, c'est un jeu pour Colette. C'est Limbo avec des couleurs, quoi. D'ailleurs, Limbo, je suis toujours étonné de ne pas l'avoir vu sur Switch. Moi, je l'ai raté. C'est vrai, c'est pour vous. Après, c'est pas étonnant. C'est un jeu qui est déjà sorti ailleurs, donc voilà, quoi. Each room is a cell. Each resident is a threat. And both present complex 3D puzzles to master. Not to mention, you can receive the Nintendo Switch exclusive in-game Paku mask by tapping. Après, c'est vrai que là, on a que des jeux qui sont sortis sur d'autres consoles, mais à part le Mario Tennis et Octopass. Octopass, un bat un Octopass sur, il va sortir sur d'autres supports. Ah d'accord, ok. Le South Park. Non mais voilà. Non mais ça, c'est normal aussi. Ouais, mais on en revient toujours même. Ceux qui ont une autre console et qui ont acheté une Switch, ils regardent le Nintendo Direct, ils voient des films, ça. Et puis c'est pas ça. C'est que comment tu vas justifier le fait que ces jeux maintenant, tu les trouves par exemple sur X1 ou PS4 à beaucoup moins cher et qu'il va falloir raquer 20 balles pour prendre le jeu. Ça, c'est le problème. C'est que les éditeurs, maintenant, ils sont dit, merde, il faut qu'ils sortent le jeu sur la Switch. Sauf que, bah, du coup, quand tu dis ça, oui, il y a 6 mois comme DLC 1 Danger Deck. Moi, c'est ça. Moi, c'est vraiment ça qui m'emmerde. Hein. C'est pas le fait qu'ils ressortent les jeux. Mais je veux dire, c'est bien que je sors sur Switch, mais effectivement, oui. Ils auraient dû les sortir en même temps que les autres. Oh, je pense avec tout, non. Hyrule Warriors Definitive Edition launches. Non, mais ils ont. Ouais, voilà. Let's take a quick look. Hero Warriors, c'est vrai qu'on connaît pas déjà. Oui, ça par contre. Heroes and villains of the Legend of Zelda series are about to spring into action once more. This spring, j'ai pas aimé ce jeu. Hyrule Warriors Definitive Edition launches May 18th. Ouais, donc on a un jeu par mois là en fait. Bah quasiment. Ouais. Non, donc Donkey Kong s'en remet aussi. Ah, donc give arms a go. If you're not an arms fan just yet. Well, we have good news. On March 31st, we'll be hosting a free test launch. Okay. Download this demo event from Nintendo eShop on Nintendo Switch. Play for free and see what you think of the world's stretchiest fighting game. Oui, pour ceux qui n'ont pas acheté, achetez. Mais pour le coup, moi, je pense l'acheter prochainement. Arms, j'étais surpris, mais il est bien. Hein. Attention Inklings, après months of intense on l'a pas mal réclamé alors pour Europe's best Splatoon 2 team will head out for ultimate glory at the Splatoon European Championship finals at Polymanga in Switzerland on March 31st. Et Frangin, as well as showcasing the best Splatoon 2 teams that Europe has to offer, the Splatoon European Championship will also play host to a special virtual concert. Pearl and Marina of the game's pop idol duo Off the Hook will appear on stage to sing along to a series of slamming tracks and perform their slickest choreographed moves, all accompanied by a live band. Bah, ça, Splatoon, ça marche, hein, donc. Those two are also coming. Et ça marche super bien, donc. Can't make it to the event? We've got you covered. You'll be able to watch the tournament's thrilling conclusion as well as the off-the-hook concert via livestream. But wait, bon, there's even more Splatoon. Ils ont craqué, ils ont craqué. Par Wikipédia avec 200 000. This April, Splatoon 2 is getting an update. Version 3.0 is coming. Here's a brief and briny taste of what's to come. 100 new pieces of gear. That means fresh looks just in time for spring. Plus, more stages. Piranha Pit. Camp Triggerfish. Pour le coup, j'ai jamais essayé de Splatoon 2. Moi non plus. Wahoo World. Rank X is here. Oula, oh, bah, par contre là ça va sta. Oh, Rank X is an extreme rank. Parce que déjà le S+, even higher than S+. More details are coming soon. Once you meet certain conditions, Cali will appear in Octo Canyon. The world of Splatoon. Bon, généralement, les nos directs c'est 30 minutes, on en a 28 minutes. Ouais, c'est fini là. Warp, t'as ta petite annonce de fin là. En mode, ah, on a un dernier cru, vous avez vu? Ouais, ou alors pas du tout. Genre Metroid, mais ça m'étonnerait. Squid Research Lab. Check out their latest video. En fait, ouais, c'était juste pour annoncer des choses qu'on connaissait déjà. Bah, pas juste une petite de rappel. Oula. Les musiques, elles sortent vraiment des, sortent vraiment d'une part de Splatoon. PUBG Splatoon. À chaque fois que je vois les cartouches de Splatoon, je pense à Dr. Nick en Simpson quand il fait regardez-moi, Dr. Octopus. Qu'est-ce qu'il va nous sortir? Je crois que je vais bientôt mourir. Pourquoi ils étaient tout nus? C'est une bonne question. Un éditeur de niveau? Un nouveau mode aventure? Je comprends rien. Non, on va avoir un nouveau mode aventure. C'est un nouveau mode aventure. Ouais, on dirait bien, hein. Je vois pas comment tu dis, il y a certains trucs qu'on a vu dedans, je vois pas comment tu les as appelés quand on dit, quoi. Ah bah ouais. Voir si c'est Splatoon 3, je sais pas. La musique elle est craquée, hein. Ouais, ah oui, je me suis dit, les musiques de Splatoon elles sont. La musique est vraiment craquée. Octo ? Ouais, c'est ça. Parce qu'en fait, depuis... Expansion, d'accord, ok. Depuis le début, les gens veulent jouer les Octolings, en fait. Ika Kenkyuin desu. Ika da desu ka? Ima, goran itadaita no wa... C'était pas mal. Splatoon 2 no... Ah, DLC, bien sûr. ...yūryō tsuika contents toshite haishin yotei no... ...arata na hiro modo. Okuto no eizo desu. Mais le solo, moi, je prends... Tako no yona mitame no shijinkou, Hachigo wa subete no kiyoku wo usunai. Mais ouais, ça fait depuis le début que les gens veulent jouer les Octolings, en fait, les méchants, entre guillemets, donc bah... Enfin, ここはどうやら enfin le fan service. 地下深くに建設された謎の実験施設。この巨大な地下世界には80もの実験施設が存在し、それぞれが地下鉄で結ばれています。駅のホームに直結した施設では、主人公の行く手を阻むミッションが待ち受けます。さらに、これまで明かされなかったキャラクターたちの核心に迫る物語が繰り広げられる。スプラトゥーンシリーズを遊び尽くした方にも新鮮な気持ちでお楽しみいただけるでしょう。地下世界からの脱出後は、なんとタコの姿でバトルに参加することができるようになります。この新たな体験をぜひお楽しみください。 Ah bah oui, là, les fanboys sont... Octo は latin 語で数字の8を意味します。 Non, on savait pas que Octa c'est une personne Nintendo de nous expliquer la vie et la géométrie. Splatoon 2 okay. Octo Expansion は今年の夏配信予定です。 Mais remarque, c'est pas idiot le jeu sorti aura un an là. Ouais, il sort il y a un an. Expliquez-nous aussi pourquoi vous riez, monsieur Bosdi. Non, c'est la pose du type. On avait dit qu'il est vachement bien le poulpe. Il avait envie de faire caca aussi en même temps. Merci beaucoup. Splatoon 2, ça va encore augmenter, il est sûr. L'autopsie illégale des calamars. Bah après, ouais, DLC solo payant, mais faut dire que le jeu il est mis à jour quasiment toutes les semaines. Hein. Enfin, pas toutes les semaines, mais. Après, ça dépend, c'est quel est le prix. Attention, à mon avis, ça va être. Attention, préparez-vous. C'est pour ça qu'on est resté. Il est peut-être probable que. Non, bon, d'accord. Qu'on défaille ? Non, bon, bah non. Non, bah non. Ça sera un bon truc. Ouais, donc pour... ou alors Smash Bros avec les Splatoon Girls, les boys. Ouais, à mon avis, c'est ça. De la façon dont ça court comme ça, il y a des chances. Ils vont nous faire une transition vers le logo Smash Bros, tu veux pas le voir arriver. Alors, ils vont faire ça, mais sur Samus, c'est Metroid Prime. Ouais. Là, je vais parce que Nintendo, ils peuvent tout faire. C'est vrai que Nintendo peuvent tout faire. Non, mais je pense le Smash Bros. Hein. Je pensais que c'était les éboueurs qui... Ouais bah, voilà. Voilà, bingo. Allez, c'est bon. Petit. C'est ma brosse avec les persos de Splatoon. Je l'avais en fait, est-ce qu'on est des devins ou que c'est Nintendo qui est un peu trop prévisible? Non, mais c'était cramé. Oui, ouais. C'était cramé. Bah là, c'est même littéralement cramé, là. Même le logo, il est cramé. Par contre, est-ce que Nintendo pourrait, les jeux attendus, nous montrer autre chose que des logos? Ouais, ouais, parce que pour le coup, c'est un peu lourd. Quoi. Bon, cette année. Ok. Bon, pour le coup, s'il y a plus de DLC dedans, je veux bien pour mais le coup. C'est quoi? C'est un remake? Bah après, on sait. Alors oui, on sait pas. Apparemment, oui. On sait pas, on sait pas. Apparemment. Bon, et eh ben voilà, Nintendo Direct, dans la boîte. Bah... Voilà. On ne sait pas si c'est remake ou en portage, mais vu leur politique actuelle, je serais tenté de dire le remake avec deux persos en plus, quoi. Bon, sur le coup, ça va conclure ce podcast avec extension. C'est ça. C'est ça, c'est ça. Oui. Je suis dubitatif, mais... Bah, après, non, dubitatif, oui, non, c'était un peu ce qui était prévu. Donc... Ouais. Je suis mute depuis quand, à peu près? Juste pour savoir. Hein? Non, pas là, très longtemps. Pas longtemps. D'accord, non, ok, ça va. T'es pas mute? Non, bah si, j'étais mute là, mais je ne savais pas. Ok, mais c'est bon, c'est bon. Donc oui, bah voilà. Bah on espère, la partie podcast, on espère qu'elle vous aura plu. L'unité de direct, ça c'est pas notre problème, on s'en fout. je retiendrai de l'unité de direct, moi, que No More Heroes 3, il prend une direction qui... Qui est pas terrible. Qui me fait peur, mais on va voir. Hein. Ouais, moi de manière plus loin, je pense que le Mario Tennis Ace, peut-être en faire en retour un bon niveau à Mario Tennis, ouais, ouais. Ce qui serait sympa. Voilà, et Mario Tennis aussi. Mario Tennis, je suis plutôt ambiancé. Le Smash Bros avec les persos de Splatoon, pourquoi pas. Moi, le DLC solo de Splatoon, je valide. Pareil, ouais. J'attends. J'aime bien Splatoon. Et puis pour le coup, j'aime bien le jeu, je l'ai pas encore acheté. Ouais, peut-être pour les un an. Ça peut... ouais, mais je vous avoue, je suis encore. Le No More Heroes 3 m'a fait beaucoup d'effets négatifs et j'ai un peu de mal à. Oh, il faut. On va attendre d'en savoir plus, je pense. Il faut postuler, voilà. Puis il y a WarioWare et un remake Luigi's Mansion. Oui, WarioWare, j'avais déjà oublié. Donc voilà. Moi bien sûr l'ami boss Dark Souls hein, évidemment. en plus pour le coup ça peut être sympa parce que j'ai pas acheté de jeu 3DS en neuf depuis un an voire deux ans. Le remake de Mario Luigi hein, par contre moi ça c'est garanti hein. Moi, tu t'écris Mario et Luigi RPG enfin j'achète de toute façon mais je reste déçu de pas avoir eu le droit aux deux du coup je comprends pas. Ouais. Je comprends pas pourquoi passer au 3 direct. Mais bon. Oh, peut-être l'an prochain sur Switch. Peut-être qu'ils ont. J'en sais rien. Mais ouais. Et non, sinon, ouais. Sushi Warriors, là, moi, ça, c'est le genre de truc. Ça a l'air trop marrant. Oui, oui, oui. Faut voir. Ouais. Bon, Bellos, apparemment, trouve que c'était pas trop mal. Ouais, c'était pas dégueu. Bellos, il y avait du Splatoon dedans, c'est bon. C'est... Je m'attendais à bien pire. Mais il y avait du gros Splatoon. Nintendo est vraiment derrière son jeu et ils ont envie de le porter encore comme le premier. Ils ont vraiment envie. Enfin, ils portent vraiment leur liste. Même Arms, hein, c'est quand même des. Enfin, ils te disent quand même, on est derrière, on est là, on continue à s'en occuper, on laisse pas tomber. Ah, parce le trailer Smash, bah oui. J'ai envie de dire en toute honnêteté, mais ce qui s'est passé avec Arms, il y a d'autres sociétés, il y a longtemps qu'ils ont fermé la boutique. Alors, et qu'ils ont dit on n'en parle plus. Quoi. C'est ça que je trouve pas mal avec Nintendo, c'est qu'ils portent une nouvelle licence, ils vont pas abandonner parce qu'elle s'est vendue moins bien que leur licence phare, tu vois, ou même qu'elle s'est peut-être pas bien vendue. Ils vont vraiment dire jusqu'au bout, ils vont dire voilà, on va essayer de faire quelque chose. Arms, c'est pas le jeu du siècle en termes de vente. Et ils vont quand même essayer d'en faire quelque chose. Ils vont le pousser. Ils vont faire des trucs. Et Arms, c'est bien, hein, aussi, je le redis. Arms, c'est un bon jeu. En termes de vente, c'est pas fou, mais je crois qu'il est présent à Arms, non? De quoi? Arms, on dit c'est pas fou, le jeu est quand même présent à l'Evo, non? Non. Non. Ah non, effectivement, il y est pas. Non, non, non, non. Pas. C'est pas possible. Il voulait qu'il y soit, mais malheureusement, non. C'était pas l'Evo Japan qui était présent? Si, l'Evo Japan, oui. Ah, peut-être, voilà. Ouais. Si, sûr. Peut-être. Si, à l'Evo Japan, ouais, il m'a semblé. Mais j'ai été extrêmement surpris, Arms, de... Tu commences le jeu, donc sur le bot d'entraînement, tu bois. Hein. Tu te dis, ouais, c'est bon, tu bois. Hein. Tu fais tes premiers matchs en ligne. Alors déjà, il te... t'impose de faire le mode arcade avant de faire tes premiers matchs en ligne. Tu fais le mode arcade, tu finis par battre le boss de... Enfin, finir et tout. Tu dis, ah, c'est bon, là, je maîtrise. Tu fais ton premier match en ligne, tu te fais défoncer. Et parce qu'en fait, c'est beaucoup plus technique qu'il n'y paraît. Beaucoup de gestion de placement. De quand tu... Quand tu dois charger tes coups, tu dois esquiver le coup adverse, tu dois attendre que le mec il ait bien lancé son coup avant toi de faire une petite esquive et de t'engouffrer dans la faille. Quoi. C'est, non, c'est... J'ai été assez surpris de la technicité du titre en fait. Mais okay. Ouais, bah Smash Bros, ouais, à mon avis, oui, c'est un remake. Hein. Oui, je pense que c'est le. C'est le remake du Wii U. Hein. Ouais, le remake ou la version Wii U avec quelques persos en plus, quelques. Oui, enfin, oui, pas remake, mais. Jeu, une petite interface refaite, tous les, c'est-à-dire une version plus. Est-ce que Nintendo ne fait pas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, chez Microsoft et Sony, on s'en achète de nouvelles consoles un petit peu plus puissantes pour avoir des graphismes un petit peu meilleurs, mais toujours les mêmes jeux. Chez Nintendo, ils gardent la même console, mais eux, ils ressortent les jeux un petit peu mieux avec des petites différences. Ouais, voilà, mais il y aura, oui, tu dis, il y a le Link de Breath of the Wild, mais ce sera peut-être juste un troisième perso supplémentaire, quoi. Parce que là, on a vu les deux Inklings. Il y aura peut-être aussi ce Link-là. Parce que, bon, ouais. Ils vont sortir, je suppose, si c'est le. En admettant que ce soit juste le portage Wii U, ils vont sortir avec tous les DLC de base et tout. Mais juste pour dire, achetez-le quand même, ils vont mettre des persos en plus. Puisque dans un jeu de baston, tu rajoutes des persos, ça augmente les possibilités. Donc, Là, après, honnêtement, on verra. Quand tu vois déjà le cast. Il est chargé dans Smash Bros. Ouais. Il vaudrait peut-être mieux pas rajouter encore 10-15 persos parce que sinon ça va ressembler à Mugen et pas à Smash Bros. Quoi. Par contre, je tiens à dire, la musique du trailer Splatoon 2, elle est ouf. Hein. Elle est très bonne. Hein. Elle est vraiment ouf. Hein. Et je serais pas étonné qu'il te sorte une BO dans pas longtemps avec. Ah, je sais pas, mais. Ce serait quelque part pas illogique. Ok, et donc oui, c'est tu disais aussi bien Camelot qui s'occupe de Mario ouais. Tennis. Ouais, et ça, moi, je trouve ça cool parce que je suis sur GBA. Mais par contre, Camelot, c'est aussi occupé du pas bien, hein, donc. Ouais. Je sais pas parce que là, regardez, on se tape que des portages de jeux Wii U sur Switch, sauf celui-là. Oui, sauf celui-là. Où ils ont dit. Donc j'ai l'impression qu'ils se sont dit, bon, ok, on a merdé. On reprend à oui, zéro. Non, mais ils savent que le jeu sur Wii U, il est pas très bien. Donc voilà, je pense qu'ils, au moins, on sait pas s'il sera bien ou pas, mais ils ont conscience qu'ils ont fait de la merde. Je pense que c'est déjà un bon point. Alors après, Fury dans le chat dit même jeu avec les nouveaux persos, Aral pour leur système Nintendo, ça passe. Non, ça ne passe pas plus avec Nintendo ou quoi. C'est juste que tu vas pas sortir un jeu avec 70 personnages. Ça n'a aucun sens pour un jeu de baston. Il a raison, par contre. Il y a 15 000 persos de Fire Emblem dans Smash Bros. Il pourrait en enlever quelques-uns. Au bout d'un moment, il faut aussi voir à épurer un peu le cast, parce qu'il y a forcément des persos dedans que personne ne joue. Après, moi, d'un point de vue plus technique, j'attends aussi de voir ce qu'ils vont faire avec le port de Smash Bros. On a vu ce qu'ils ont fait avec Pokken parce que l'air de rien, bah, c'est Bandai Namco qui est derrière. Ouais. Et c'est à eux qu'on a confié Metroid Prime 4 quand même. On n'en parle pas. Donc, ils peuvent faire de bonnes choses. Hein. Ça peut être très bien. Parce que techniquement, Pokken, techniquement, il est bon. Ouais. Il n'y a pas grand chose à lui reprocher. Smash Bros. Aussi sur Wii U, c'était très bien. Bon. On parle bien techniquement, les gens, je rappelle. Parce qu'après, oui, voilà, la façon dont je tourne, voilà. D'un point de vue technique, le jeu est bon. Après, le côté putassier dégueulasse des DLC, non. Par contre, faut pas déconner. Bah, ouais, par contre, pour Smash Bros, c'était l'une des expériences DLC de Nintendo. Hein. Ah ouais, non, mais pour le coup, c'est juste une expérience. Bah, de toute façon, j'ai largué le jeu un peu à cause de ça. Hein. Pareil. Il y avait beaucoup trop de persos, beaucoup trop de stages, beaucoup trop. Oh là là là là. Je l'ai sorti un nombre incalculable de fois en tournoi. Au bout d'un moment, j'ai arrêté d'acheter les DLC en disant aux gens, bah c'est compliqué, vous voulez un perso, sortez votre carte bleue. Et là... Moi en tout cas, le perso, je l'achète pas. Mais en fait, il y avait tellement de DLC que là, je suis en train de me dire, en admettant que ce soit le portage Wii U, toujours en admettant, hein, puisqu'on n'en sait rien. Si tu sortes le jeu à 40-50 balles, bah ça vaudrait le coup pour moi par exemple de l'acheter, parce que ça ferait le jeu avec tous les DLC pour moins cher que d'acheter tous les DLC sur Wii U. C'est le calcul que j'avais fait tout à l'heure. Mais le problème, il y a un truc par contre qui fait chier. C'est, ben, tu veux y jouer même à 2 ou à, mettons dans le cas qui m'intéresse à 4. Comment tu fais? Tu vas devoir acheter 4 pro contrôleurs ou... Voilà, c'est bah, comme dans n'importe quelle console, hein, quand tu veux jouer à 4, il faut 4 manettes. Hein, ça, c'est... Voilà, non, mais, quand tu vois le prix des manettes, ça fait mal au fondement. Hein. Là, bah, c'est vrai qu'elles sont chères, les manettes. Bah non, maintenant tu en as des moins chères, quoi. Il y en a des moins chères que les pro contrôleurs maintenant. Officiel, hein, Ori et tout. Oui, Cap Silver, ouais. Octopast, pareil, j'approuve totalement ce jeu. Attendez aussi la compatibilité totale avec les 48 000 amiibo déjà sortis. Ah putain. Et les nouvelles et les amiibo, tous les amiibo qui ressortent. Moi par contre je vais vous laisser, je vous fais des bisous, je fais des bisous à tout le monde. Ouais, pas tardé aussi, et tous les... Merci à tous ceux qui étaient là. Ça marche, Bozik, des bisous à toi. Bonne nuit. Imaginez les pauvres vendeurs dans les magasins en PLS à l'idée de devoir faire un rayon d'amiibo encore qui prennent une place faramineuse. Oh là là. Mais bon, l'amiibo Dark Souls, j'avoue, moi, ça fait rigoler. Ah, plus sur... Non, mais en plus, ils ont... Il est parfait, en fait. Il est parfait, l'amiibo Dark Souls. Je connais pas Dark Souls, j'y ai jamais joué, mais je connais Solaire et Praise the Sun. C'est... Finalement, c'était presque l'évidence. C'était presque l'évidence. Donc, ouais. Bon, on va pouvoir conclure quand même sur ce podcast du collectionneur Nintendo. Bah voilà, là c'était vraiment ça. Bah oui, en plus il y avait même Luigi's Mansion. Ouais, non, moi pour le coup, Luigi's Mansion, c'est un jeu préféré sur GameCube. J'ai parfait depuis très longtemps. Ouais, faut voir. Voilà. Donc, on va souhaiter une bonne nuit aux gens, je pense. Oui. Et on va leur dire à bientôt pour de nouvelles aventures. Voilà. Oui. N'hésitez pas à interagir avec nous si vous le souhaitez. N'hésitez pas. Ou à Moubot, timing parfait. N'hésitez pas à venir sur le Discord du collectionneur. C'est gratuit. Voilà. Ça mange pas de part. Vous avez Discord, Twitter, tout ça. YouTube. Et donc, aussi les boîtes de vaches qui rient, bien sûr. Et donc, sur le coup, bon ben, bonne nuit les gens. Et à bientôt. Et des bisous. Et des bisous. Voilà. Allez. Ciao. Et puis, coupure brutale. Hein. Regardez. Voilà. Vlan. Attention, chérie, ça va couper.